Vous êtes à Sifu pour l'écouter. 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Alex Marchand nous fera entrer dans son imaginaire, sa chronique dans ma tête. Et on se tiendra très loin de celle de David Perron qui est rempli d'idées pour le journal Zone Campus. Ça déborde. Oh. Assemblage requis commence tout de suite. Bienvenue à Assemblage Requis en ce mercredi 6 décembre 2017. On est à 142 jours de la fin de l'année scolaire et je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Mmh. On tient à remercier Antoine de la Chasse Galerie pour notre café matinal. Oh my God, ce notre matin. Notre sauveur. Tu sais, le mercredi, c'est un peu en plein milieu de la semaine. Ouais, c'est difficile. On le ressent vraiment beaucoup lorsqu'on anime le matin. Alors ce matin, ce cher petit café nous a fait vraiment beaucoup de bien. Ouais, mais Antoine a toujours apprécié. Oui, mais exactement. Encore plus aujourd'hui. Ah oh, oui, tout à fait. Parlant de sauveur, on va avoir un autre sauveur plus tard aujourd'hui parce que Frédéric Simon va remplacer Xavier McLeish qui remplace Gabriel Béhoud pour la chronique dans les coulisses de la huître. Donc Frédéric, notre sauveur numéro 2. On a aussi aujourd'hui David Ferron à 8h30 pour la chronique du journal Zone Campus. On va parler du plus récent numéro qui sortait hier. Avant ça, on a Alex Marchand à 8h pour Dans ma tête, lui qui va nous parler de ce qui se passe dans son cerveau, musicalement parlant, sortie, alcool, les trucs comme ça. On a aussi Sébastien Guertin qui s'en vient plus tard dans quelques instants pour sa chronique Bulletin Guertin. Ta chronique est en train d'être produite en ce moment. Elle va sortir de l'usine. Tania is gonna entertain ya plus tard. Qu'est-ce que tu nous prépares? Je vais vous parler de phénomènes environnementaux. Ça fait quelques fois qu'on en discute, mais cette fois, je vais vous parler de quelque chose qui peut être très, très québécois et quelque chose dont on a entendu parler dans les derniers jours. Hmm. Ouais. Eh ben, tu crées le buzz! Ok, oui, je vous tease demain matin. Et à la fin de l'émission, on n'a pas marqué la chance déjà. Il a commencé à se me passer. Mais que voulez-vous, hein, des travaux d'équipe. Ça me semble déjà, oraux, c'est ça. C'est fort, très fort. Donc on va s'acheter des gadgets sur Internet avec ça, mais ça ne devrait pas. En toute fin d'émission, c'est le plan pour aujourd'hui. Étant donné qu'il fait très, très noir en ce moment, et j'imagine que Sébastien Viguartin est en train de s'éclairer le chemin pour se rendre pour sa chronique. Donc on écoute Zen Bambou. Voici Retour au noir. Tu as creusé un trou dans mon ventre mou. J'ai découvert là où avant il y avait du sang. Attends, il faut trouver les bons mots. Une sphère remplie de lumière. Sphère remplie de lumière brûlante. Tu me remplis de lumière. À quand le retour au noir, à quand le creux dans le regard. Hein. 2h20, mutant tremblant, qui joue à l'amour sans vraiment savoir comment. Perroque perdu dans les jungles roses. Oh. De poupées de peau, la tête remplie de pluie battant. Les cris coincés dans mes os. fast et les Rolling Stones sur Shuffle. Ou bien ACDC. Back in black? Eh non, eh non, no way, no way. C'est si, playing in black. Oh. Ah, no, no, no way, no way. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. C'est ça, changer l'air. Le motadine de retour au noir. C'est une bambou, assemblage requis. Pendant qu'on attend notre ami Sébastien F. Gartin, on va se faire un petit son foutu palmarès. C'est la chronique Boucherou. On remplit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Aujourd'hui, c'est quand même simple. C'est la liste des objets bizarres qui sont tombés sur Terre. Mm-hmm. Mm-hmm. On sait, bon, la pluie hier. Exact. Le vent aujourd'hui, ça compte-tu vraiment, je sais pas. La neige, le reste du temps, en ce moment, c'est pas mal. On est habitué. Oui. Des affaires qui tombent du ciel. Ben oui. Hein? Mais ça arrive qu'il y a pire que ça. Hein? Donc, c'est des fois où des trucs compliqués ou bizarres sont tombés du ciel. Commençons par des balles de golf. OK. Ouais, des fois, on décrit la neige comme, tu sais, la grêle peut-être de la grosseur d'une balle de golf. Ouais, mais dans l'histoire, il y a vraiment eu des balles de golf qui sont tombées sur des gens qui ne s'y attendaient pas. C'était en 1969. Les résidents de Punta Gorda, en Floride, se sont fait envoyer des balles de golf. Ça a mérité donc un nettoyage de tous les terrains, de plusieurs terrains, de plusieurs gouttières, des rues. Personne n'est certain de qu'est-ce qui a causé l'accident. Certains observateurs ont comme théorie qu'une tornade près du golfe du Mexique a réussi à prendre les balles de golf d'un terrain de golf pour les déposer à Punta Gorda. Mais quand même, tu te demandes, voyons là. Ben oui. C'est quoi ça? Ensuite, de la crème à café non laitière. Oh, OK. Ouais, dépendant du timing que t'as le matin, des fois, je sais pas où il te manque de lait, tu peux te mettre du colorant à café, ouais, qu'on appelle. Ouais, j'imagine. Donc, les résidents de Chester, en Caroline du Sud, en 1969, une usine de Borden a eu des problèmes avec ses conduits d'aération. Et ça a fini par émettre du sucre en poudre, comme ça, dans l'air. Partout en ville, ça s'est ramassé sur plein de surfaces et ça a fait une nuisance collante lorsque c'était mouillé. Génial, on a fini par réparer le problème chez Borden. Prends ton café noir, tu vas voir, c'est bien meilleur. Ouais, c'est ça, mais l'usine va quand même en produire, malheureusement. Oui, c'est ça. Ensuite, de l'argent. Ah, l'argent. On dit qu'il pleut pas d'argent, l'argent pousse pas dans les arbres. Ça arrive en 2007, les résidents de Worms en Allemagne. Il y a une résidente qui a arrêté sa voiture pour amasser une petite tempête d'euros qui se promenait autour d'elle. On ne connaît pas la source de cet argent-là, mais la femme a quand même ramené ça à la police. Oh mon Dieu, elle est fine. Ouais. Ensuite, des boules mystérieuses transparentes. OK. Ça rappelle des films d'horreur des années 50. Il y aurait des boules de vitre un petit peu partout, des orbes, comme on appelle des fois, gélatineuses et mystérieuses, qui n'ont pas fait de mal à personne, mais quand même, ces globes translucides, sont tombés sur une cour d'un résident de Miami en 1958. Les observateurs ont parlé de son design qui ressemblait à des... c'est quoi, des honeycombs, là, les ruches de miel? Les ruches de miel, oui. Ouais, c'est ça, ça ressemblait à ça, bref. Et ça bougeait comme si c'était vivant. Ah. C'était gélatineux, ça bougeait. Un officier de police a mis son doigt dedans sans aucune conséquence. Mais bref, on n'a pas réussi à l'étudier et finalement, ça finit par juste disparaître, ces boules-là. Ben voyons donc. Hey, c'est intriguant. Intriguant. Ensuite, des lentilles de caméra. OK. Ouais, on sait pas trop si on est protégé avec les assurances pour les lentilles de caméra. En 2011, une lentille de caméra Canon a foncé dans une maison, laissant un cratère sur le toit. Ben oui. Ouais. Le Federal Aviation Administration, qui a été appelé pour enquêter, a dit que des objets qui tombaient comme ça d'avion, ça pouvait arriver, mais c'était difficile à prouver. Payne vivait à 200 pieds, d'une école primaire et a dit qu'il était très reconnaissant que le projectile ne soit pas atterri. Ça ne s'est pas rendu jusqu'à l'école. On continue avec des noix. Oui. En 1977, un couple britannique se promenait dans une rue de Bristol alors que le mari Alfred Wilson Osborne a entendu un clic et pensait qu'un bouton était tombé de son manteau. Il a rapidement réalisé que ce qui était tombé par terre, c'était pas un bouton, mais plutôt une douche de petites noisettes qui tombaient autour de lui. Après une brève pause, l'homme a vécu la même chose au même endroit. Donc, on ne sait pas trop d'où ça vient, mais peut-être un arbre qui a fait pousser des noisettes à quelque part. Mais on dit qu'il n'y en a pas dans le coin. Bon. On ne sait pas. C'est même pas la saison des noisettes qui est au mois de mars. C'est un peu bizarre, ça. Vraiment étrange. Ça fait hallucinogène. Oui, c'est ça, exactement. Mais... le monsieur, il était tout seul à les voir, là, mais c'est pas grave. Mais c'était un couple qui marchait. Fait que peut-être que la femme l'encourage dans ses... Rien dit, elle, hein? Ensuite, des bonbons. Les résidents de Lake County, en Californie, ont été surpris de retrouver des bonbons qui pleuvaient pendant deux journées en septembre 1857. Les bonbons faisaient environ un 25 cents de grandeur et étaient apparemment très mangeables. Certains résidents ont même fabriqué du sirop à partir de ces bonbons-là. Mais voyons! Encore une fois, aucune explication. Ensuite, de la boue. De la boîte en 1901. Ouais. Ouais, les éditeurs de Science Magazine ont enregistré donc une douche de boîte à Easton, en Pennsylvanie, grâce à une lectrice de Lafayette College qui leur a écrit par rapport à cet incident-là, disant que les vitres étaient couvertes de petites gouttelettes d'eau sale. En fait, c'était un lecteur. C'est étrange. Sous le microscope, on a observé des petits sacs avec des membranes qui contenaient des grains de saleté de terre. OK. Certains ont la théorie que c'était une tempête de sable qui s'est mélangée avec les précipitations. Ouais, et que ça a fini par créer un déluge de pluie sale particulier. Il nous en reste deux derniers. Une chaîne rouge et chaude. Ben voyons. Ouais, du détritus d'avion, ça arrive. C'est pas très commun que quelque chose tombe d'un avion, mais ça peut arriver. Donc, si c'est une chaîne de 18 pouces de longueur, on sait pas non plus ce que ça faisait dans un avion. Non, c'est ça exactement. En 1959, un homme nommé Wallace Baker travaillait sur un bulldozer dans le Missouri lorsqu'une chaîne est tombée sur son équipement. C'est déjà assez inhabituel, mais ce qui l'a surpris le plus, c'est que la chaîne était chaude et brillait tellement elle était rouge chaude, comme un fer. Ouais. Bref, il a essayé de le prendre. Mais c'est rouge et ça flash. Saute dessus avec ta main, c'est clair. il a brûlé son gant. Bon, j'en doute pas. Et on n'a pas trouvé la source. Le dernier me traumatise un peu. Ouais, des déchets humains. Hein? Ouais. Ouais, c'est le plus malheureux de tous, probablement. On parle évidemment de toilettes dans les avions. Oui. Qui doivent décharger leur eau une fois de temps en temps. Et là, ben, j'imagine que ça a fuité ou quelque chose et ça a créé des boules congelées de caca qui se sont libérées de l'avion, qui sont tombées sur le sol en dessous. En 2015, à Levittown, en Pennsylvanie, c'était le party, imagine, c'était le party de 16e anniversaire d'une petite fille. D'une jeune femme, entrepreneur. Oui. Ouais, ça dépend à qui tu le demandes, Jean-Kevin. A eu du fun. Du caca a donc tombé sur les festivités. Joe Cambry, le beau-père de la fille, a dit à People qu'il venait tout juste de finir le gâteau lorsque le caca est arrivé. Donc, au moins, ils ont sauvé le gâteau. Ils ont sauvé le gâteau. Une chance. Voilà pour ce petit bloc de son foutu palmarès. Évidemment, Sébastien Bigartin est très fier d'avoir eu un petit remplacement qui parle de caca. Ben oui. Juste avant ce jour. Toujours le fun. Ça commence bien la journée. C'est ça. Alors, voilà. Sébastien Bigartin est arrivé. Ça te va? Ben on commence ça à l'instant. Oui, fort. Parce que voici son bulletin Gartin. Sébastien Bigartin qui a toujours une bonne raison habituellement pour ses retards. Il n'y en a pas aujourd'hui. Il n'y en a pas. Bon. C'est le mois de novembre, le manque de lumière, ainsi de suite. Là, vous allez me dire, on est quand même rendu le 6 décembre. Mais j'aimerais que décembre s'en rende compte qu'on est rendu au mois de décembre. C'est vraiment de la neige, Simonac. Il y a eu de la pluie hier, il y a eu du vent aujourd'hui. Pas mal, en fait, pas mal. C'est assez effrayant. Ouais. Ouais. Moi, honnêtement, j'avais un peu peur pour ma vie cette nuit. J'habite dans un bloc appartement assez haut. Mm-hmm. Okay. On est au troisième étage. Puis ça craquait, mais ouais. Genre l'immeuble est pas... C'est ça. Ça fait 4 ans que j'habite là, j'ai jamais entendu ça craquer de même. Ouais. J'aimais pas ça. Nos fenêtres étaient fermées au complet, puis on entendait l'air passer. C'est pareil, pas facile, là. Hein. Ça arrive pas l'hiver normalement. Là. J'aimais pas ça. Bref, c'est pas un bulletin météo, mais un bulletin guertin, donc on parle d'actualité un petit peu partout. Puis c'est drôle parce que je vais rebondir, comme disent nos amis français, bada-boum, bada-boum. Sur un truc qui était dans ton foutu palmarès, votre foutu palmarès, là, en tout cas, son. Celui de Mathieu, là. Tu sais, quand il pleuvait des bonbons, pas associé à ça. Oui, il pleuvait des bonbons. Il pleuvait des bonbons, ben en fait, c'est drôle parce que j'avais presque la même joke à l'entrée de ma chronique. C'est que, de quoi je vais parler aujourd'hui, en fait, pour y venir, nous sommes... Je vous l'apprends, je vous l'annonce, nous sommes dans une année électorale. Pardon? Ben oui. Ben oui, comment? Parce que dans moins de 12 mois, nous allons être en élection. Ben, ah! Ben ouais, déjà, au provincial. Pour ceux qui ne le savaient pas, là, vous le savez. Ouais. C'est ça, c'est cela. C'est cela. Fin de l'été 2018, début automne. Ça fait-tu déjà 4 ans? 3 Et ans? Oui. Eh oh, boy, le temps passe vite, hein? Vraiment, c'est ça, en fait, c'est mon... ça. Donc, si vous vous demandiez pourquoi il y avait plein de belles annonces dernièrement, genre 200$ de baisse d'impôts, ouais. Philippe Couillard qui pense encore faire son mot à dit train entre Montréal et Québec, réinvestissement en éducation, ben c'est parce qu'on est dans une année électorale, donc c'est pas que les bonbons pleuvent du ciel. C'est ça, faut bien que les gens soient achetés. Hein? C'est cela, tu sais, le PLQ pitch de l'argent partout. C'est de bonne guerre, c'est de tout temps quand les élections arrivent. C'est la base même, c'est ça. On l'imagine, Philippe Couillard, avec une veste blanche. Pas fin. Non, excuse-moi. Faut pas... Quel mauvais gag. Bon, bon. J'avais entendu une blague très drôle à propos de l'espèce de petit débat là, sur le patrimoine, là, qu'il faut plus arrêter, faut plus dire patrimoine parce que c'est un mot un peu masculiniste. Etc. Finalement, d'ailleurs, il s'est avéré que c'était une belle tempête dans un verre d'eau parce qu'en fait, c'était comme une proposition dans le cahier de propositions du Congrès. C'était pas comme une position officielle et de quoi. C'était juste, bon, c'était sa liste des affaires à discuter. Parlons-en, genre. Parlons-en. Ouais. T'sais, y a-tu une alternative? Bref, ça fut une tempête dans un verre d'eau, mais bon. Puis j'avais entendu, il y avait la soirée est encore jeune à Radio-Canada. Ils ont fait, il avait dit quel mot faudrait féminiser qui est trop masculin. Puis il y avait tu sais, c'était ouvert sur la page Facebook, tu sais, laissé des commentaires, puis ils ont lu les meilleurs sur à l'émission. Ceux qui étaient le moins une que j'ai trouvé très drôle en fait, c'était que. Philippe Couillard devient Philippe Utérin. Faire comme ça. Oh, ovarien. Philippe c'est ovarien. C'est très drôle. C'est, bon, c'est mieux que des blagues sur Manon Massé aussi. Oui, c'est pas mal mieux que. Non, c'est ça. Parce que quiconque rit de Manon Massé ne l'a clairement pas entendu en entrevue. Elle est tellement drôle. C'est facile, on m'a dit. C'est vraiment c'est facile. Puis elle est drôle, honnêtement. Ouais. Là. En tout cas, c'est comme une ma tante un peu folle, mais le fun. Tu sais, là. En tout cas, comme ça qu'elle va se dépeindre, elle aussi. Ouais, non, mais tu sais, ben du monde là, qui se fie seulement, mettons, à au Journal de Montréal, puis ces affaires-là, la voit comme une espèce de radical, là. Féministe agressive, puis tout. Puis, tu sais, le fameux call qu'elle avait fait à un moment donné, là, des pogos pas plus dégelés de la boîte, c'est qu'elle parle tout le temps comme ça. Mm-hmm. Elle est vraiment très... Honnêtement, elle est divertissante. Mais bon, c'était pas pour parler, c'était pas pour faire l'hommage à c'est ma faute, Manon Massé que j'étais là. C'est parce qu'en fait, j'ai commencé en ayant l'air de... Bon, je pense que le monde qui m'écoute depuis assez longtemps savent que je suis pas un grand fan du PLQ. Mm-hmm. Ceci étant dit, dans cette pluie de cadeaux électoraux, on peut dire, ou pré-électoraux, mettons, il y en a un qui s'est démarqué, à mon avis, que j'ai trouvé très intéressant parce que c'est un gros cas de « ben, mot t'as dit, il était temps ». C'est que la RAMQ va dorénavant couvrir la psychothérapie. Oh, wow! Puis là, je vais en parler un petit peu plus. Parce que là, on se dit, il y en a qui disaient premièrement, j'en ai parlé avec des gens, puis là, je parle des fois du fait que j'étudiais en philosophie, mais en fait, moi, mes premiers, quand je rentrais à l'université, je le disais, j'étais en psychologie, en fait. Mm-hmm. Et il y a bien du monde que, bon, on parle de psychothérapie, le monde sont comme, c'est quoi donc? Ben là, c'est comme quand tu vois un psy, puis là, ben, il te parle, puis tu y parles, puis à un moment donné, ben, t'es supposé te régler. Puis c'est comme nébuleux un peu pour bien du monde qui n'ont pas été en thérapie. Bon, c'est que une des choses, pourquoi on parle de pourquoi on dit que c'est tout nouveau, puis qu'en fait, c'est inédit, c'est-à-dire qu'il y a en Grande-Bretagne qui ont fait ça, puis c'est à peu près la seule place dans le monde qui ont couvert la psychothérapie. C'est qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que la psychothérapie, c'est pas la même chose que du. D'aller voir un psychologue. De la thérapie, ben c'est que c'est comme tel, c'est aller voir un psychologue. Ouais. Parce qu'un psychologue peut travailler de différentes manières et dans différents contextes et avec différents objectifs. Différents. Beaucoup de différences. C'est que, bon, ce qui arrive, c'est que le but de ce qui a été annoncé, en fait, c'est de couvrir les troubles. Puis là, on va mettre des gros guillemets légers de santé mentale. Comme dans, c'est assez sévère pour être considéré comme un trouble de santé mentale et non une petite déprime ou de quoi, mais c'est pas de la grande psychiatrie, c'est pas de la grosse psychiatrie. Ça prendra pas des années à régler. Genre, mettons, les problèmes d'anxiété pourraient être calculés comme légers. Exactement. Si quelqu'un qui a des troubles anxieux, c'est un bel exemple. Quelqu'un qui a des troubles anxieux, puis on s'entend, on est une radio étudiante à la base. On est dans une université, c'est reconnu que les étudiants sont portés à avoir beaucoup de troubles anxieux parce que c'est stressant aux études. C'est ça. Troubles anxieux du genre syndrome d'anxiété généralisée, c'est très répandu dans les étudiants entre autres. C'est quoi ça? C'est que t'as des syndromes d'anxiété généralisée, c'est que t'as des crises de panique une fois de temps en temps. C'est commun chez les étudiants, particulièrement en fin de session, ne serait-ce que le stress de fin de session. Ça peut être considéré comme un trouble de santé mentale entre guillemets léger. C'est pas léger parce qu'il y a quand même une souffrance significative. C'est comme ça qu'on va déterminer s'il y a un problème de santé mentale. C'est juste, tu sais, t'as un petit stress parce qu'il faut que tu fasses tes impôts. C'est pas ça de l'anxiété. C'est très temporaire, ça. C'est très temporaire. Ouais, c'est ça. C'est normal d'être stressé ou tu sais, t'as à aller conduire dans un. Mettons, tu conduis jamais à Montréal puis ça te stresse d'aller conduire à Montréal. Mais ça, c'est un stress normal. Ouais. T'as une compétition de quelque chose, t'as un petit stress, c'est du stress normal. Le problème, c'est que ce stress-là est constant. C'est ça, c'est le mot généralisé, des fois. C'est ça, généralisé, c'est qu'à un moment donné, t'es tellement stressé que tu sais même plus pourquoi t'es stressé. Ouais. C'est là souvent que c'est comme ça que ça prend. Et le fait que t'es stressé te stresse. Ouais, parce que c'est ça, c'est parce qu'à un moment donné, c'est que tu deviens tellement stressé qu'à un moment donné, tu fais des crises de panique qu'on appelle, c'est-à-dire, là, tu sais, crise de panique, là, ceux qui en ont fait difficulté à respirer, le cœur qui débat. T'es comme vraiment en situation d'alerte, là, de survie, mais t'es couché dans ton lit puis il y a pas de mammouth en train de te foncer dedans. D'ailleurs, c'est comme ça que les profs au bac en psycho, une prof en particulier l'expliquait, l'anxiété puis le stress, ça, c'est une réponse à un danger imminent normalement. Dans la nature, à l'époque qu'on était des hommes des cavernes, puis des femmes des cavernes, que le stress, ça ceux qui étaient stressés, ils survivaient plus longtemps parce que eux autres, quand ils voyaient le mammouth les charger, ils réagissaient tout de suite. Il était prêt. Il y en a plus de mammouth, ça existe plus. Tu sais, là on est stressé pour des affaires immatérielles puis tu sais comme des deadlines puis des choses comme ça. Le problème avec l'immatériel, c'est que même une fois que la deadline est passée puis que tu as déposé tes affaires, le tangos, c'est la note. Ton cerveau primitif, tu sais, il y avait déjà rien de physique, fait qu'il voit plus de super. Fait que ça, c'est tout ça. Je commencerai pas à donner parce que ça, là encore, au bac en psycho, il va se donner des cours de 45 heures juste sur ça. Pourquoi c'est intéressant, c'est que la nouvelle mesure qui a été annoncée par le ministre Barrette, ça fait tout le temps drôle d'être d'accord avec le ministre Barrette, mais faut le dire, quand il fait des bons coups, on peut pas dire qu'il en fait pas. Tu vois, t'es nuancé. Il faut être nuancé. C'est ça. Avant, présentement, mettons, on y va là. Présentement, ce qu'il y a en place, il y a immensément beaucoup de psychologues qui travaillent pour le système de la santé, mais c'est toujours pour de la thérapie plus ou moins brève ou pour du suivi en ce qu'on va appeler en deuxième ligne, c'est-à-dire des vrais gros troubles psychiatriques. Des dépressions qui se rendent au stade d'être dangereuses, suicidaires. Suicidaires ou, tu sais, dangereuses de d'autres manières. Mm-hmm. La dépression, on y pense pas, mais des fois, la dépression, ça sort en externe aussi. C'est-à-dire que l'agressivité n'est pas tournée vers soi, mais vers l'extérieur aussi. Les gens qui deviennent violents en dépression, mais tu sais, violents, là. Il y a tout ce qui est les troubles psychotiques, la schizophrénie, les trucs comme ça. Donc, le matériel de la chronique après le crime qu'on fait à l'émission. Exactement. Ouais, entre autres. Puis remarquez, c'est la plupart des schizophrènes sont complètement inoffensifs, mais sont complètement non fonctionnels en société parce que j'ai l'impression, je vais en profiter, on va faire un petit peu d'explication, un peu de c'est quoi. On a 45 heures, pareil. C'est ça. Un schizophrène, c'est qu'en fait, tout ce qu'on va dire des troubles psychotiques, quand on parle de psychose, c'est qu'il y a déconnexion avec la réalité. Mm-hmm. Un schizophrène, en fait, c'est quelqu'un qui vit constamment dans un genre de rêve. Puis vraiment, quand on fait l'imagerie cérébrale d'un schizophrène qui est en phase active, parce que les schizophrènes, ça va par vagues. Ils sont pas constamment en train d'halluciner. Ils ont des périodes actives puis des périodes passives. Les schizophrènes puis les schizophrènes après ouais, ça. C'est ça. Ils ralentissent, il y a que ça. Ouais. C'est ça. Si on prend le cerveau d'un schizophrène qui est en phase active, donc qui est dans sa passe dans l'année où il hallucine, son cerveau a la même identique à un cerveau de quelqu'un en train de rêver. De rêver, oui. Il rêve réveillé, littéralement. Je prends la peine d'en parler parce qu'il y a bien des préjugés par rapport à ça. Mais c'est qu'il y a aussi beaucoup de préjugés par rapport à ce qu'on pourrait dire, ce qu'on pourrait appeler les problèmes de santé mentale ordinaires, entre guillemets. C'est plus ça qui est couvert, justement. C'est des burn-out. Puis déjà, le burn-out, le monde en psycho n'aime pas cette catégorie-là parce que l'idée, c'est qu'un burn-out, on va dire, c'est de l'épuisement professionnel. Mm-hmm. Mais de l'épuisement uniquement professionnel, ça n'existe pas. OK. Il y a une partie ça peut être majoritairement job qui te coupe les jambes, mais ça peut être bien d'autres affaires aussi. C'est sûr que c'est plein d'autres affaires aussi. Souvent, c'est parce que c'est pas rien que ta job le problème, c'est que c'est la façon que tu gères ta vie, en fait. La façon que tu gères ta vie, là, ça a l'air ben culpabilisant de la façon que je dis ça. C'est pas exactement ça non plus. C'est un ensemble de facteurs, en fait. C'est que ta vie professionnelle peut affecter ta vie personnelle, ta vie personnelle peut affecter ta vie professionnelle. C'est ça, exactement. T'sais, on peut bien essayer de compartimenter autant qu'on veut, mais ça reste qu'on est la même personne qui se promène dans ces sphères-là. Fait qu'à un moment donné, ce qui se passe dans une, a un impact sur toi, cet impact-là, tu le traînes quand t'es dans une autre sphère après, puis ainsi de suite. Fait que c'est tout un réseau. C'est pour ça qu'en psycho, on n'aime pas dire que le monde en psycho n'aime pas nécessairement le terme burn-out, parce que c'est un peu comme réducteur, maintenant. Mais en même temps, il est réducteur en français. En anglais, burn-out, t'es juste épuisé. Ouais, c'est de en français, c'est de l'épuisement professionnel. C'est ça. Ça, c'est en fait... J'avais des profs au bac qui disaient que c'était une case à cocher pour les compagnies d'assurance, en fait. Ouais. Mm-hmm. Quand même si c'est un burn-out puis que t'as la chance d'avoir un employeur qui te paye des sessions de psychothérapie, le psy va pas rien que te parler d'affaires de job, c'est compte-moi ta vie. C'est ça, exactement. C'est de tout qu'on parle, là. Mm-hmm. C'est tout qu'on essaye d'aider. Ouais. Donc, justement, tu sais, je viens un peu, c'est que normalement, présentement, moi, l'exemple que je voulais plus utiliser, en fait, c'est la dépression. Mm-hmm. Donc, le burn-out, mais qui, en fait, on va parler de dépression à la place, c'est que présentement, tu fais une dépression, t'es plus capable de te lever, t'es obligé d'être en arrêt de travail, ton médecin te met en arrêt de travail parce que t'es plus capable de te lever, t'as plus d'énergie, t'as plus de motivation, tu dors mal, t'es plus capable de manger, tu sais, c'est ça, une dépression, c'est difficile, tout est... Si quelqu'un qui l'a, jamais eu, c'est dur de comprendre à quel point tout devient un effort, t'es plus capable de... Puis tu taillis en plus parce que tu sais que c'est pas... Tu sais là, que de brosser les dents, c'est pas un exploit, mais quand tu réussis à le faire, t'as quasiment l'impression que tu viens de passer... Tu viens de faire une fin de session juste avec ça. Ouais. C'est ça. Ça, c'est quand même, puis j'essaie d'en mettre le plus possible, c'est dans de la psychothérapie ordinaire, entre guillemets. Présentement, si t'as ça, t'as une vraie dépression, tu vas voir ton médecin de famille, par exemple, il te prescrit des antidépresseurs, il te prescrit d'aller voir un psy. Si t'as la chance d'avoir des assurances, c'est couvert, sinon c'est à tes frais. Puis des psys, à Trois-Rivières, on a une des places que c'est le moins cher de l'heure, puis moi, aux dernières nouvelles, c'était du 80-90$ de l'heure. C'est pas mal ça. Fait que... Et c'est moins cher, ça? Puis on est des moins chers dans la province. Wow. Ouais, parce qu'on est, une des villes, en tout cas, aux dernières nouvelles, là, ça fait longtemps que je suis plus trop dans le milieu. Là, et mais... ça, c'est par session, et des fois, ça peut être ça, c'est par... une session par semaine. Ça, c'est de l'heure. Là. Ouais. Quand t'es en dépression, c'est une session par semaine. Ouais. Mm-hmm. Parce ou que... deux. Ou deux, tout dépendant deux, c'est quand t'es plus point, en là. Urgence. Ouais. Parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a des services en CLSC que tu peux aller voir. Par contre, les listes d'attente sont extrêmement longues. Mm. ça peut être une question d'années des fois avant de voir quelqu'un. Quand c'est pour quelque chose comme une dépression, que t'as pas d'urgence suicidaire, ça peut être une question d'années. Puis de toute façon, quand tu es en urgence suicidaire, c'est pas au CLSC, c'est à l'urgence directe. Puis là, à l'urgence, ben ils ont c'est de la gestion de crise de toute façon. Pis c'est ça l'affaire, c'est que dans le système public présentement, c'est beaucoup de la gestion de crise où les seuls qui ont l'occasion de faire du suivi, c'est sur les cas extrêmement lourds. Mm-hmm. Les gros troubles de personnalité, les grosses, les gros psychotiques, les syndromes de stress post-traumatique, mais les gros syndromes de stress post-traumatique, là, le monde qui ont été... Il y avait une histoire dernièrement dans la presse là, la semaine dernière à propos de deux ambulanciers qui se sont retrouvés là, pris avec un cadavre en dessous d'un train puis que le train était pour partir, qui ont peur, la peur de leur vie, puis tu sais, des cas de même. Ouais. Eux autres vont passer plus vite, puis même là, ça c'est toute une autre affaire. Il manque de monde, c'est mal financé. Quand je dis manque de monde, c'est qu'il manque d'intervenants. Mmh. Bon, il y a un paquet d'affaires, là, ça c'est tout un autre domaine. Puis c'est que j'en parle, pourquoi c'est inédit, c'est qu'en fait présentement tu fais on revient à ça, là, on revient à notre mm-hmm. couple, c'est présentement là, j'ai pas cherché ces stats-là en particulier, puis j'aurais peut-être dû, mais c'est impressionnant les statistiques de combien de gens dans leur vie vont faire une dépression présentement. C'est le mal du 21e siècle. Mm-hmm. Ouais. C'est puis c'est que à part, puis tu sais, le risque suicidaire, c'est toute une autre histoire, puis je rentre même pas là-dedans, mais ça peut te scraper une vie quand même, ou en tout cas, pas te scraper une vie complètement, ça fait pas, à part le risque suicidaire, ça fait pas de décès en tant que tel, mais ça peut te maganer l'existence pour bien longtemps. Mm-hmm. Puis, en fait, là, je prends de l'avance sur ce que j'avais noté. Là, je fais ma chronique un peu, j'ai des notes, mais je la fais un peu podcast c'est en même ça. Temps, parce que c'est un sujet qui ben honnêtement qui me touche un peu personnellement aussi là. C'est que l'affaire c'est que la dépression présentement ça crée beaucoup de coûts sociaux en mm-hmm. fait. C'est que comme n'importe quelle maladie, pis c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir là, c'est oui, ça se passe dans la tête des gens, mais ce qui se passe dans la tête des gens, tu sais, c'est pas de la magie ce qu'on a entre les deux oreilles là. Ça existe. Ouais. Ce qu'on a entre les deux oreilles, tu sais, tous ces troubles là, tout ce qu'on va dire qui est le psychologique. C'est un peu comme de dire que, mettons, puis des fois c'est ce qui aide le plus, pensez à votre ordinateur. Mm. Mettons, vous pensez à votre téléphone, votre iPhone, vous avez iOS dessus. Mais hein. iOS, ça n'existe pas. C'est mm-hmm. un épiphénomène de la mécanique qu'il y a dans votre téléphone. Tu sais, le hardware, mm-hmm. le dur, là, fait fonctionner le software, le mou, l'abstrait. Ouais. Ben, l'iOS, c'est de l'abstrait, mais il est là quand même. Si t'as pogné un virus sur ton iPhone, ton téléphone va marcher tout croche. Mm-hmm. Pas parce que la machine elle-même est exemple. Brisée. Pour les virus, t'aurais dû prendre Android, mais bon, en tout cas. Ben, en tout cas, si on compare, mon iPad a plus de virus que mon Galaxy S8, mais t'es quoi. Ça, c'est une autre affaire. On dit qu'il y a des trucs chimiques dans le cerveau. C'est ça. C'est pas nécessairement toi qui le problème. C'est même pas le chimique. C'est que ta personnalité, ta conscience, tout ça, tes sentiments, tout ça, c'est pas quelque chose de... C'est supporté, c'est inscrit dans des trucs chimiques, comme tu dis, physique, ainsi de suite. T'sais, on parle de la chimie du cerveau, des fois, les neurotransmetteurs, tout ça. Exact. Mais notre cerveau, c'est un peu, justement, c'est un peu comme un ordinateur. Ouais. Il y a du hardware, vraiment, le cerveau, ce que les neurologues travaillent dessus. Mais il y a aussi le software, en guillemets, notre système d'exploitation, qui est notre personne, notre personnalité, nos sentiments, mm-hmm. ainsi de suite, notre humeur, tout ça. Le résultat de toutes les interactions chimiques, électriques, physiques dans notre cerveau. C'est ça. Donc, c'était le petit bout. Oui, la santé mentale, c'est la vraie maladie. Ouais, c'est ça. Et tu peux pas juste genre pas être en dépression. Hey, sois pas en dépression. C'est ça. Ouais. Pareil comme quelqu'un qui s'est cassé une jambe, peut pas décider du jour au lendemain de ne plus avoir la jambe cassée. Il faut qu'il attende que ça répare. Il faut qu'il prenne des tu sais, quelqu'un qui a le cancer peut pas décider de ne plus avoir le cancer, contrairement à ce que si tu pries, c'est ça, c'est hein? ça, tu sais, disregard ce que Gwyneth Paltrow en pense là. Oui. Goop Ouais, c'est ça. C'est mange bien, ça va passer. Ça le dit, hein, une maladie mentale. C'est ça. On la voit pas, mais elle apparaît. Mm-hmm. Exactement. C'est ça. Donc, ça tente que le monde comprenne ça un jour. Comme n'importe quelle maladie, il y a de la. Un des problèmes, c'est la comorbidité. Comorbidité? Ouais. Gros, un grand mot pour expliquer le fait que. Pour, qui veut dire, en fait, que généralement, quand tu as un problème, ça vient pas tout seul. OK. Ben, je vais donner un exemple. Alors, un des symptômes de la dépression, c'est des problèmes de sommeil. Mm-hmm. Ça naît de la comorbidité, ça, déjà. Ah. C'est un symptôme, mais c'est des problèmes en soi aussi. C'est parce que ça, des ça fois, peut créer d'autres problèmes. Le manque de sommeil peut créer d'autres problèmes qui empirent, puis ainsi de suite. La dépression, ben, un des symptômes de la dépression, c'est des manques d'appétit des fois. Ben là, tu te nourris mal, fait que ça peut, tu peux facilement être plus enrhumé, tu peux développer. Ou si tu pognes un rhume pendant cette période-là, ben, vu que tu es plus faible parce que t'as moins, tu te nourris mal, ben, ton rhume devient une infection, puis là, problème de maladie. Puis, ben, y a de la comorbidité de santé mentale aussi, c'est-à-dire que ben, les gens qui font des dépressions sont plus portés à faire des crises de panique, sont plus portés à avoir des syndromes d'anxiété généralisée. Puis différentes choses comme ça. Fait que déjà là, ben, on multiplie les problèmes quand on laisse ça aller. Une autre chose, ça c'est vraiment du point de vue du travail, mais perte de productivité. Ben oui. Présentement, comme je disais, c'est le mal du 21e siècle. C'est drôle, on en parlait justement avec ma conjointe hier, de ses collègues de travail qui encore cette semaine qui part en congé de maladie à cause de trucs qui ressemblent un peu à pas un diagnostic clair, en tout cas, de ce qu'elle m'a dit, mais tu sais, ça ressemble à ça. Les gens partagent pas nécessairement tout ce qu'ils vivent, là, mais non, c'est ça. Ben, dans un milieu de travail un peu gros, t'as pratiquement toujours quelques personnes en burn-out, en arrêt de travail pour épuisement ou des trucs comme ça. Puis des fois, il y a certaines places que, bon, des gens qui sont un petit peu plus... tu sais, ils vont faire ça avant d'être vraiment là, plus capable. Ouais. Fait que ça, c'est aussi bien, mais ça reste que déjà qu'on se rende là. Ça, c'est toute une affaire de société, là. Aussi, la vie est plus stressante qu'il y a 50 ans, on va se le dire. Ouais. Mais c'est ça, ça reste que juste d'un point de vue purement business, ben, il y a une perte de productivité quand il y a tout le temps, quand il y a constamment une partie de ton payroll qui est en congé de maladie à cause de ça, ben c'est une affaire qui est gros. Puis si tu laisses ça traîner, ben là encore, ça dure plus longtemps. Puis là, ben, je parle même pas des coûts personnels divers, du genre, ben, tu sais, des fois tu tombes sur le chômage, veux pas, t'as pas ton plein salaire. Des fois c'est ta vie de famille qui en écope. Avant, tu sais, il y a encore qui manque beaucoup d'awareness par rapport à ça. Il y a bien des familles, il y a bien des gens que le monde sont un peu plus ouverts par rapport à ça, mais encore du monde qui comprennent pas c'est quoi, puis que comme je disais tantôt, c'est pas tout le monde qui réagit pareil à la dépression, là. Non. Il y a du monde que ça va pas les, tu sais, c'est pas le typique de ah, je veux plus rien faire. Il y en a qui sont en dépression, ça sort à l'extérieur, à la place deviennent hyper agressifs, peuvent faire des choses qu'ils regrettent, deviennent impulsifs. Il y a un paquet de coups reliés à ça. Je fais même pas le tour un peu ici, là. Non, ça va aller. Merci. On est tous touchés d'une façon ou d'une autre. C'est ça. Donc, pour en arriver à pourquoi est-ce que tout ça est une si bonne nouvelle que ça, c'est que, puis là, je suis allé juste avec je verrais juste avec cet exemple-là, l'exemple du burn-out, pour revenir un peu dans ma track. C'est que, arrêt de travail, c'est la première étape, on t'enlève du milieu de travail parce que t'es épuisé, t'es plus capable de travailler. Ensuite de ça, ce que ton médecin te dit, c'est les antidépresseurs, médicaments, psychothérapie. Parce que la recherche démontre que ce qui est le plus efficace, ce qui règle le plus vite et parce que ça, c'est une autre affaire aussi, c'est que ça revient quand tu le règles pas. Quand tu le règles pas bien. Donc, ce qui est le meilleur à court terme et à long terme, c'est les deux. C'est antidépresseur et psychothérapie. Vraiment, rencontrer un psychologue, faire du ménage en quelque part un peu dans sa vie, c'est tout un petit peu ça l'idée. Travailler sur des manières de mieux s'écouter, mieux, parce que sinon encore, c'est souvent un peu de ça. Je dis ça, soit dit en passant, là, j'ai l'impression que des fois, j'ai l'air d'un peu... présentement, je le suis comme un peu en burn-out, là, personnellement. Je me permets de parler de ça comme ça. gros comme meignante à la radio un matin. On est avec toi, mais, merci. Mais c'est ça, puis c'est que la psychothérapie, qui est le bout qui te permet de le durer le plus longtemps possible, bien présentement, c'est tu t'arranges tout seul. Ouais, c'est vraiment. Ça. C'est, si t'as les moyens de te le payer, tant tu mieux, te le payes. C'est ça. Si t'as des assurances, tant mieux, vas-y avec ça. Si t'en as pas, ben des antidépresseurs, parce que ça, c'est couvert par la RAMQ. Mais... ni d'assurance, ni d'encadrement, ni de ressources humaines, ni de personnes pour t'essayes d'aller ça, au CLSC hein? pour voir un thérapeute qui peut pas faire de suivi, puis alors que la psychothérapie, c'est un suivi à tous les semaines, on l'a dit. Ouais. Quand tu vas au CLSC, c'est pas nécessaire, c'est ponctuel là, souvent. Là. Mm-hmm. Ils peuvent finir par te relayer, mais ça, c'est tout un système, puis quand tu es en dépression, ben t'as pas l'énergie à faire le faire suivi l'effort. De paperasse, mm-hmm. puis d'appeler à tous les semaines, puis c'est une ça. Pile de paperasse qu'il faut que tu remplisses là. Ben, on le disait tout à l'heure, hein, on est situé sur le campus de l'université, donc pour les étudiants, il y a le service aux étudiants qui peuvent vous aider de ce côté-là si jamais. Je crois qu'il y a une liste d'attente aussi. Il y a une liste d'attente, mais c'est beaucoup plus court. Oui, c'est ça. Ça dépend de la période de la session, en fait. Quand vous êtes en fin vers la fin de session, c'est là ça, que les ça problèmes se met à... sortent. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a souvent, là, mettons, si on y va, si j'ai conscientisé du monde un matin, malheureusement, probablement que dans ce temps-ci, si vous prenez rendez-vous là, c'est plate, mais ça va probablement aller après les fêtes. Ouais. Parce que c'est de la façon que ça fonctionne au service aux étudiants, c'est que au service aux étudiants, il n'y a pas de... Y a comme tel... Il y a vraiment de l'aide ponctuelle, là, c'est-à-dire si vous êtes en. Si vous pensez mettre fin à vos jours, là, allez-y direct, là, mm-hmm. ou allez à l'urgence. Ils niaiseront pas avec ça. Mais sinon, c'est plate, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un rendez-vous avec vous. Les psychologues du service aux étudiants font une évaluation, puis après ça, ils vous réfèrent à quelqu'un au privé. Mm-hmm. Avec, quand vous avez l'assurance de l'AGE, vous êtes couvert pour une partie. De la, je ne m'en rappelle plus exactement le montant, mais vous êtes couvert pour une partie de la séance et du reste des séances, dans le fond, hein, un certain pourcentage. Mm-hmm. Et du reste, le service aux étudiants vous réfère vers des psychologues qui ont un prix. Il y en a qui font ça, ils ont un prix spécial étudiant mm-hmm. qui vous charge un peu moins cher et le service aux étudiants va payer une partie aussi. OK. Bon. Pendant un certain nombre de séances. Normalement, c'est 10 ou 15. OK. Donne une idée, là, mais 10 ou 15, c'est le temps de faire bien des affaires. Ouais, c'est ça. Et te ruiner si tu payes le plein prix. Exactement. Ouais, c'est ça. Bon. Ouais. Aussi. Ouais. C'est ça. Donc, c'est ça. C'est important. Un gros félicitations au ministre Barrette. Il était temps que ça se fasse. Parce que ça, présentement, en fait, c'était un peu. Puis ma partie où je parlais des coûts sociaux, personnels, mm-hmm. et ainsi de suite, c'était un peu. À base, c'était un petit peu ma conclusion. C'est pour ça que je dis que j'ai un peu pris de l'avance sur ma ligne, c'est que en fait, il y a beaucoup d'études qui ont été faites comme quoi est-ce que présentement, socialement, ça nous coûte plus cher de ne pas le rembourser par la RAMQ que de le rembourser. Qu'est-ce que ça coûterait de le rembourser? Si tu prends en compte tous les coûts sociaux, personnels et de productivité, tu sais, je vois ça comme trois secteurs différents, là, les coûts pour la société, les coûts pour la personne qui vit ça et le coût économique, mettons, la productivité de travail. Si tu prends la totalité de ça, on est regagnant de payer ça collectivement, mm-hmm. de toute façon. Fait que je vais me prendre une petite conclusion plus humoristique. Ah, oh OK. quand j'asais de ça avec Lucas Hubert, mon collègue de la sortie de secours, là, que retour janvier 2018, c'est ça? Peut-être. Oh, on en jase. Peut-être. On aime Either. Ça. On en jasait de ça, puis il me disait, il dit, ah, ben finalement, il nous manque juste. Ben, il était temps. À ce temps, il va nous manquer juste les soins dentaires, puis on va avoir des vrais soins universels sur tout ce qui devrait. C'est ça. Tout ce qui n'est pas de notre faute. Mm-hmm. J'ai dit, il faut bien que tu aies une vue parfaite pour penser ça, toi. Hein? Parce que c'est ça. La vue, c'est pas encore couvert. Non. C'est ça. Même prochaine si affaire. Raison, prochaines élections. Ouais. T'sais, les dents, je peux comprendre qu'on a un certain pouvoir là-dessus, mais la vue. C'est... Ben puis même à ça, je veux dire, des nettoyages dentaires, ça devrait être. Ça oui. Il y a pas de raison. Je veux dire, les soins plus spécifiques. Ok, là. Mm-hmm. Je comprends. Si t'as des caries, ça. De... Ouais, non, c'est ça. Le blanchiment, on s'entend que ça a pas de. Non. C'est esthétique, là, on s'en sert. Le luxe de la chose, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, des nettoyages de dents, puis la base, là. À la limite, même les caries, tu peux dire que c'est de ta faute. Puis là encore, tu sais, c'est pas la logique du système de santé, mais ça, c'est une autre affaire. Et on s'embarquerait pas là-dessus. Hein? Non. Bon.

Biscuit. Petit Biscuit. Avec Problems, featuring Lido, assemblage requis. Et maintenant, tiens, elle a beaucoup de problèmes. Hein? Je vais vous en établir la liste. Voyons. Non, tu vas régler les choses. Tu vas rien faire pour nos problèmes. Ben, pour les vôtres, peut-être, pour les miens, ah, non, c'est bon, merci. Voilà, c'est ce que je cherchais. Voici Tania is gonna entertain you. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna change. Tania, je rappelle que t'as mentionné le mot, il me semble, t'as mentionné Québec. Oui. Québécois. J'ai mentionné Québec. Ouais. J'ai mentionné phénomènes environnementaux. Okay. Quelque chose dont on a déjà parlé et quelque chose dont on entend parler depuis les derniers jours. Je t'avais dit que t'allais faire une liste de quelque chose. Je sais. Je suis bonne à une liste. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Aujourd'hui, bien, je fais peut-être un petit retour sur un sujet dont j'ai déjà discuté il y a quelques semaines déjà de tout ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à un certain moment, à l'automne, vers le mois d'octobre, fin septembre, début octobre, quasi début novembre, on a discuté du fait que les arbres n'étaient pas de couleur naturelle pour la saison de l'automne. Moins orangé qu'avant. C'est toujours le cas en passant. Je ne sais pas si vous avez regardé autour de vous. C'est vrai, c'est quasiment vert, pour vrai. Mais là, présentement, ce qu'on est en train de vérifier, ce qu'on est en train d'établir, c'est qu'il y a de nombreux arbres de la grande région du Québec qui sont toujours couverts de leurs feuilles. Ben, c'est bizarre quand même que t'en parles, parce que j'ai remarqué ce matin, non seulement la couleur des arbres, parce que tu nous l'as montré à l'écran, hein, mais le vent a vraiment mis beaucoup de branches à terre sur notre chemin. Exactement, mais on est le 6 décembre, donc en temps normal, les feuilles devraient pourtant être tombées depuis des semaines. Mais non, t'as des grosses branches joufflues de feuilles par exactement, terre. Exactement, séchées, recroquevillées, mais on reste accroché aux branches en dépit du gel, de la neige, du vent. C'est un phénomène qui est très rare et beaucoup n'ont même pas changé de couleur encore au cours de l'automne, comme je l'expliquais tout à l'heure. Est-ce qu'ils vont changer de couleur? Donc, est-ce qu'on a une explication à tout ça? Il faut se le dire, on a eu un automne assez exceptionnel. Le beau temps, les températures qui ont été très, très douces. C'est comme ça qu'on avait réussi aussi à expliquer le changement de couleur qui n'était pas trop, trop présent du côté de nos arbres québécois. On a parlé aussi d'absence de gel important au cours de l'automne dans la grande région du Québec. Donc, ça a eu un effet un petit peu insoupçonné sur une multitude d'arbres et d'arbustes et les feuilles n'ont pas changé de couleur ou ont carrément oublié de tomber. Et c'est là, parce que là, on est à quelques semaines de Noël et il y a encore beaucoup de feuilles dans les arbres. Si vous êtes du genre à vous promener à ce temps-ci de l'année à l'extérieur, à faire des marches, bien vous l'avez probablement remarqué plus que d'autres parce que justement, si on se retrouve dans des petits boisés ou quoi que ce soit, bien on se rend compte assez rapidement que les arbres sont encore tous habillés. Donc, on a même vu parfois des fleurs apparaître sur des lilas ou des pommetiers, comme par exemple au Jardin botanique à Montréal, ou encore des bourgeons floraux sur le point d'ouvrir. Puis, du 9 au 10 décembre, bien la température est passée de 9 à moins 9 degrés. Donc, on a eu quand même un gros clash de ce côté-là. Les feuilles ont gelé. Non seulement elles ne sont pas tombées, mais étrangement, elles ont persisté à s'accrocher solidement aux branches. Donc, c'est un phénomène qui est très rare, comme je l'expliquais tout à l'heure, et c'est surtout un mystère non résolu pour le moment parce qu'il y a beaucoup d'espèces ornementales qui sont originaires, par exemple, d'Europe ou d'Asie qui perdent normalement leurs feuilles tardivement, souvent au début de novembre. On n'était pas nécessairement adapté à notre climat québécois. Donc, si vous êtes du genre à planter des fleurs là, puis tout ça et que vous êtes grillé d'un petit arbuste là, d'Asie ou d'Europe, bien, vous pouvez voir justement que ces arbustes-là et ces petits arbres-là ont aussi eu une espèce de dérèglement climatique à ce niveau-là. Donc, c'est le cas de l'érable rouge de Norvège, les lilas ou le nerprun, donc trois espèces qui sont très répandues chez nous, mais qui, à la base, ne viennent pas de chez nous. Donc, de ce côté-là, si on regarde, par exemple, le chêne fastigié d'Europe, bien, c'est un arbre qu'on va retrouver quand même à certains endroits à travers le Québec. Normalement, c'est très populaire à Montréal et on conserve nos feuilles fanées tout l'hiver. Par contre, le phénomène actuel touche aussi de nombreuses espèces indigènes, comme certains bouleaux, les chênes, les tilleuls, tu sais, tous ceux qu'on connaît qui, en temps normal... Les classiques. les classiques qui, en temps normal, à ce temps-ci de l'année, ont déjà plus rien. Donc, c'est très très inusité. Et le hic dans tout ça, c'est qu'on sait pas vraiment pourquoi cette année, ces feuilles restent attachées aux branches. Parce que, il faut le dire, le changement de couleur n'a rien à voir avec le fait que les feuilles sont encore accrochées aux arbres. C'est deux choses différentes. C'est deux choses complètement différentes. C'est juste qu'elles arrivent en même temps. On parle de cycle interrompu, un petit peu comme, comme on avait discuté avec le changement de couleur, oui. Parce que bon, en automne, lorsqu'on a le changement de coloration en temps normal, bien la feuille va céder progressivement ses réserves qui restent pour justement les fixer à la branche en vue du prochain printemps. Il y a eu formation d'un bouchon au point d'attache de la tige qui attache la feuille à la branche pour ensuite voir une chute normale. Là, on a eu comme un dérèglement de ce côté-là. Il semble que le phénomène s'est pas produit cette saison justement en raison des conditions météorologiques qui étaient très, très douces. Donc, on n'a pas eu ce gros clash-là qui, en temps normal, va faire en sorte que la feuille va tomber. Ce qui pourrait un petit peu expliquer aussi pourquoi les feuilles sont si tenaces aux branches présentement, même si elles devraient évidemment tomber au cours des prochains mois. Donc, manifestement, le climat n'a pas fini de nous surprendre. On ne comprend pas trop pourquoi. Quand je vous disais que c'était deux choses très différentes, bien, on se rappelle que la couleur, bien, c'est un petit peu un effet de photosynthèse, c'est un petit peu un effet de changement climatique aussi. Mais là, le changement climatique, en temps normal, oui, on a encore des températures qui sont douces, mais ça fait déjà quelques jours et quelques semaines qu'on a des températures dites de saison. Mm-hmm. Donc, en temps normal, on devrait voir les feuilles par terre et non pas encore dans les arbres. Est-ce que tout ça, ça va avoir des conséquences? C'est un petit peu la question qu'on peut se poser aussi, parce que si l'adaptation progressive des arbres et des plantes à l'hiver, c'est pas fait normalement, est-ce que les tissus tendres de l'extrémité des branches risquent de geler au cours de l'hiver? Donc, ça veut dire que les bourgeons qui ont produit des fleurs vont pas en produire beaucoup plus au printemps, et ceux qui sont gorgés d'eau risquent aussi de geler. Donc, ce qui pourrait un petit peu entraver partiellement là, la floraison de certains arbres et la production d'arbres fruitiers lorsque le printemps va revenir. Et cette situation-là, bien, c'est d'ailleurs à cause de la chute particulière tardive des feuilles, ce qui ne devrait pas nécessairement nuire à la santé des arbres, par contre. On va garder ça en tête. Nos arbres, ça ne veut pas dire qu'ils vont mourir, là. Ça veut juste dire que tout ce qui est normalement fait au printemps va probablement être fait beaucoup plus tard dans l'année. OK. Donc, les variétés ornementales qui sont beaucoup plus fragiles pourraient souffrir davantage. On parlait de lilas tout à l'heure, on parlait de pommetiers. C'est un petit peu ce genre d'arbres-là qu'on dit qu'ils vont être beaucoup plus fragiles. Ça va être un petit peu plus difficile au printemps de faire quelque chose avec ces petits arbres-là parce que, justement, présentement, on n'a pas la chute qu'on devrait avoir. Si on s'attarde au gazon, parce qu'on se dit... Ben là, t'es encore vert. Ouais, c'est vrai. Normal, devrait être jaune, quelque chose, oui. Je sais pas. C'est au printemps prochain qu'on va pouvoir mesurer, en fait, les répercussions de l'automne sur nos arbres. Si répercussions il y a, mais à ce temps-ci de l'année, il devrait y avoir quand même bon nombre de répercussions pour les arbres, sachez-le. Et même situation aussi en pépinière et dans les centres de jardinage. Donc, si on regarde Claude Gélina, qui est un agronome de Varennes, il conseille d'éviter que les feuilles s'accumulent sur le gazon. Donc, profitez-en pendant la période encore de beau temps pour les éliminer. Passez la tondeuse, déchiquetez vos feuilles, raclez un petit peu. Vous avez encore le temps. Tu peux faire ça là? Ben oui, tu peux faire ça là. Parce qu'en fait, elles vont faire pourrir votre pelouse. Wow. Donc, les feuilles qui sont porteuses de maladies, comme par exemple la tache goudronneuse de l'érable, bien, ça devrait être aussi éliminé là, à ce temps-ci de l'année, chose qui n'est pas fait. Donc, si la feuille s'attarde à tomber, par exemple, sur votre gazon, bien, au printemps prochain, votre gazon ne sera pas nécessairement très, très beau. Mmh. Parce que lui aussi va avoir connu une espèce de dérèglement face aux arbres qui les entourent. Donc, tout ce qui est printemps, tout ce qui est hiver, présentement, bien, c'est retardé. Donc, attendez-vous pas au printemps à avoir... une saison incroyable dès le départ. Ça va prendre quelques jours, voire même quelques semaines avant de pouvoir voir les normales de saison pour le printemps arriver. Et on va peut-être avoir aussi un plus long temps là, avant de voir les arbres retrouver leurs feuilles parce que, comme on le disait tout à l'heure, à ce temps-ci de l'année, les bourgeons ne devraient pas sortir. Mais c'est chose qui arrive présentement. Donc, on va avoir un retardement de la saison lorsque l'hiver va s'éteindre un petit peu. Un jour. Et aussi, bien, on a discuté du fait que l'hiver allait être long. On a discuté du fait que l'hiver allait être froid. On a parlé de dépression tantôt, ça va avec ça. On a parlé de dépression, oui, aussi. Donc, il faut s'attendre à ce que l'hiver soit très, très dur sur nos arbres, malgré le fait qu'on ait eu un automne qui s'est prolongé beaucoup plus longtemps. Donc, lorsqu'on va arriver au printemps, l'arbre, en tant que tel, va devoir un petit peu shaker, se poser quelques questions et aussi vivre les répercussions de ce long automne-là. Hey, tu vas voir les arbres écouter du Taylor Swift. Shake it off. Écoute, fort possible. Mettez ça dans leurs oreilles et au printemps, vous allez voir, peut-être que ça va faire quelque chose. Sinon, le deuxième phénomène environnemental que je veux vous parler, en fait, vous l'expliquer un petit peu, peu importe, eh bien, ça l'a sorti dans les journaux récemment. Ici, au Québec, on en a entendu parler quasi malheureusement à cause de l'émission Occupation Double. En fait, on a entendu dire que les finalistes avaient été rapatriés ici au Québec à la suite d'une éruption volcanique. À Bali. Exactement. Donc, c'est le mont Angung qui est rentré en éruption. C'est un volcan de type explosif, mais c'est pas considéré comme un super volcan. Par contre, les super éruptions volcaniques, c'est beaucoup plus fréquent qu'on le pense présentement. Donc, c'est sûr que ça découle de changements climatiques. On parle souvent de réchauffement climatique. Donc, les super éruptions volcaniques, c'est susceptible de menacer la civilisation en rejetant les milliards de tonnes de cendres dans l'air. C'est pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un volcan, là. C'est pas mal ça. Ça dort, c'est des cendres, puis à un moment donné... Ça rentre en éruption, puis boum! Ça détruit tout. Des belles photos, des belles vidéos. Écoute, oui, mais tu veux pas nécessairement être là quand ça va exploser, c'est OK? Ça. Donc, c'est susceptible de se produire beaucoup plus fréquemment qu'on le pense. Donc, selon une étude qui a été basée sur des données statistiques et qui a été publiée un petit peu plus tôt la semaine dernière. C'est une équipe de l'Université d'Oxford, en fait, qui a calculé que le laps de temps entre deux super éruptions serait en moyenne d'environ 17 000 ans. Ça, c'est ce qu'on a calculé. C'est substantiellement beaucoup plus court que les estimations précédentes. Donc, par exemple, dans le temps, ça prenait beaucoup plus de temps que 17 000 ans. Là, on est rendu à 17 000 ans à cause des réchauffements climatiques qu'on a connus. Ça indique que les volcans représentent aussi pour notre civilisation humaine un risque beaucoup plus grand qu'on le pensait. Parce que, veux, veux pas, on s'est peuplé. On s'est dit, ben, c'est correct, tout dort autour de nous, on va s'établir ici, c'est pas grave. Comme Occupation 2. Ça explosera pas, pareil comme Occupation 2. On s'installe. On s'installe, ouais. That's it. Mais là, ce qu'on se rend compte, c'est que non. Ça va rentrer en éruption beaucoup plus rapidement qu'on le croit maintenant. Ouais. Rappelez-vous aussi, on a parlé de volcans dans le nord, donc dans les pays qui sont beaucoup plus froids, les calottes glaciaires qui sont en fait établies sur des volcans. Et là, on se rend compte que le réchauffement climatique de ces calottes glaciaires-là pourrait arriver et faire en sorte que certains volcans vont commencer à rentrer en éruption aussi. Donc, gros changement climatique et les précédentes estimations de fréquence de ces fameuses éruptions-là avait été réalisé en 2004 et ça considérait que les super éruptions se produisaient en moyenne, attention, je viens de dire 17 000 ans, mais avant ça, en 2004, on a établi que c'était de 45 000 à 714 000 ans avant que deux grosses éruptions se produisent. Donc, c'est énorme en laps de temps de savoir qu'est-ce que c'était et qu'est-ce que c'est maintenant. On a passé de 45 000 à 714 000 jusqu'à 17 000 ans de différence entre deux grosses éruptions. Le professeur de sciences statistiques à l'Université d'Oxford, Jonathan Rougier, c'est le principal auteur de l'étude et il a dit qu'il a réévalué cet intervalle-là qui situe désormais entre 5 000 et 48 000 ans, selon la fréquence qui est la plus probable. Donc, c'est comme ça qu'ils ont réussi à établir le 17 000 ans. C'est qu'on a calculé, bon, quel volcan a rentré en éruption à quelle année versus la deuxième fois qu'il est rentré en éruption. Et là, on a fait ça avec une panoplie de volcans et on a fait une moyenne, bien évidemment. Et c'est comme ça qu'on est arrivé au 17 000 ans. Mais il y a des volcans que leur moyenne était de 5 000 ans. Mmh. Donc, c'est encore moins que le 17 000. Là. Ça veut dire qu'on va devoir garder un œil ouvert encore plus que ce qu'on croyait. Et les vulcanologues qualifient de super éruptions les éruptions qui sont gigantesques côté explosif. Ceux qui sont capables de rejeter au moins 1000 gigatonnes, donc 1000 milliards de tonnes de matière volcanique dans l'atmosphère, soit assez pour recouvrir de cendres un continent, assombrir le ciel qui est durablement refroidi. On parle aussi de refroidir le climat de la planète pour des décennies. Donc, il va falloir, bien évidemment, en tant qu'être humain, peut-être changer nos destinations vacances. Je vous dis ça comme ça, là. La dernière super éruption à avoir touché la planète, en fait, c'est celle du Taupo en Nouvelle-Zélande, il y a environ 25 000 ans. Il y a eu également celle du Hera au Japon, il y a 27 000 ans, mais chacune avait éjecté environ 1000 gigatonnes de débris et de cendres dans l'air. Ce qui veut dire que c'est pas la même chose que le mont Agung là, à Bali. Là. Ne vous inquiétez pas, là. Agung à Bali, c'est pas une super éruption. Quand on parle de super éruption, c'est vraiment que ça va recouvrir un continent en entier. Là, on n'est pas à ce moment-là. Là. C'est gros, mais pas si gros que ça. C'est gros, c'est alarmant aussi, ouais. Bien évidemment, parce que bon, il y a le changement climatique qui fait en sorte que les volcans sont plus probables de rentrer en éruption. Mais une super éruption, ça détruit tout sur son passage. Ce qui est alarmant, en fait, c'est le nombre d'années entre ces super éruptions-là qui se raccourcissent considérablement et qui vont faire en sorte que c'est sûr qu'à un certain moment, il va falloir se poser la question « Quand est-ce que la prochaine va arriver? » Donc, ceux qui vont gagner le concours pour aller à Bali, c'est encore correct. Oui, okay. C'est ça, exactement. Donc, le mont Agung à Bali, qui vient d'entrer en éruption, c'est un volcan de type explosif. Mais c'est pas considéré comme un super volcan. Il a connu déjà deux grandes explosions, entre autres en 1843 et en 1963. On avait rejeté environ 1 gigatonne de matière. Donc ça veut dire 1 milliard de tonnes. Et tout à l'heure, on parlait de 1000 gigatonnes. Donc il y a une grosse différence à ce niveau-là. Et son éruption, il y a 54 ans, avait fait 1600 morts. Là, l'éruption, présentement, elle semble pas avoir alarmé trop les gens de Bali. Parce que, en écoutant une entrevue de Jay du Temple, excusez-moi, c'est vraiment pertinent. Ouais, je sais. Mais ils ont retiré de l'émission de Bali par précaution. Par précaution, mais ils ont aussi eu la chance de parler avec les locaux de cette éruption-là. Ah, ben oui. Et les locaux ne sont pas du tout au courant de ce qui se passe présentement parce qu'ils n'ont pas cette information internationale-là comme avait en fait l'équipe de production d'Occupation Double face à ce qui se disait ici. Ouais. Donc, c'est un petit peu eux aussi qui ont commencé à alarmer certains locaux qu'il y allait y avoir une éruption à quelques moments. Occupation Double aura eu une importance. Peut-être, à quelque part. Mais ce qu'on veut dire aussi, c'est que les locaux sont pas tant alarmés de cette chose-là, sont habitués, mais on se rappelle, une super éruption, c'est pas du tout ce qui se passe présentement à Bali. C'est vraiment très, très gros. Ça détruit des continents et des continents et comme on le disait tout à l'heure, bien, ça refroidit le climat de la planète pour des décennies. Donc, on n'est pas encore là, mais ce qu'il faut s'alarmer, c'est le temps, comme je le disais tout à l'heure, c'est le temps qu'il va y avoir entre deux gros super éruptions qui se raccourcit. Donc, c'est sûr que les scientifiques vont garder un œil là-dessus parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut jouer entre 5 000 et 17 000, chose qu'il y a 13 ans était quasi le quadruple de tout ça, voire même plus. Donc, c'est là qu'il faut, en fait, pas nécessairement s'alarmer, mais qu'il faut se garder à l'affût de l'information. Voilà. C'est dit. Oui. Merci, Tania. Ça fait plaisir. C'est baliverne. Tantôt, tu nous as parlé d'arbres fruitiers qui étaient affectés par la météo. Oui, oui, oui. Tu nous as jamais dit si on était safe pour garder Edgar fruitier. Oh, je sais pas. Il a 87 ans. On veut pas le perdre comme Jeanine Souto. Non, t'as raison. Bref, merci encore. Tania et Gagnant Tania tous les matins de semaine à Assemblage requis. On prend une pause. Au retour, d'autres choses? Ben oui. Pas sûr, Alex Marchand. Ah non. Voyons, Barbie. On va voir. Hein? Peut-être on touche du bois. On va rester là. Mercredi 6 décembre 2017, Tania Baudin et Mathieu Plante ensemble jusqu'à 10h. Dans une quinzaine de minutes environ, David Ferron va être avec nous pour la chronique du journal Zone Campus. Mais avant ça, en musique, on y va dans le même filon que ta chronique, Tania, tantôt. Oui. Sur l'environnement, sur les arbres, sur le gazon, t'as parlé, mais t'as pas parlé tant que ça des fleurs. Non, je sais. Donc voici Fleurs de ponctuation à Assemblage requis. Avec Fleur à Assemblage requis. Maintenant, toujours à cette émission matinale en pièces détachées, on va parler un petit peu d'actualité en faisant le tour de ce qui se passe sur le campus dans la chronique du journal Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Donc, c'est David Ferron, le rédacteur. Il est descendu à chef de pupitre depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Au numéro de novembre, il était encore rédacteur en chef et on avait parlé du fait que ça allait changer dans le numéro suivant. Et maintenant, c'est fait. C'est Marie Labrousse qui est rendue rédactrice en chef. David Ferron est chef de pupitre, mais c'est quand même lui qui va continuer de venir nous voir à l'émission parce qu'on l'aime tellement. Pas qu'on n'aime pas Marie Labrousse, mais on pourrait pas avoir David Ferron avec nous. Le numéro du mois de décembre qui sortait hier ou aujourd'hui, en tout cas dans ces coins-là, cette semaine, qui a en couverture Arborescence, l'événement d'art et spectacle sombre et coloré. On en reparlera tantôt lorsqu'on sera rendu en art et spectacle. On commence En actualité, j'ai laissé comme au moins 3 minutes à David pour brancher ses affaires. Salut David! Salut! Ça va? Oui, vous deux? Oui. Oui. Alors, on commence avec la bibliothèque de l'UQTR, un centre de recherche dédié à la déficience intellectuelle. Oui, on peut sauter parce que ça, c'est dans le blog depuis 2 semaines, donc j'en avais déjà parlé. Ah, ben oui, ok, t'as raison. Mais c'est pas grave, en fait, c'est un super bon projet. C'est un centre de documentation pour la déficience intellectuelle à la bibliothèque. Ouais, c'est ça. On peut les aborder quand même en bref, là, ben sinon, oui. Ça va à la fois. Mot de la rédaction, c'est Marie Labrousse qui l'a écrit. Dans la peau d'une série télé, elle fait une analogie, si oui, on veut. C'est très intéressant parce que le Zone Campus, c'est un téléroman. C'est vrai. En fait, des nouveaux personnages, des anciens personnages. Par exemple, Gwendoline Lebomain, si on peut la comparer à un personnage de télévision, c'était bien son dernier épisode. Ah, j'avoue, finale de saison, il y a eu un meurtre. Toujours à l'actualité, un reportage sur les étudiants défavorisés. L'aide aux étudiants, ça commence ici. Oui, exactement. Par exemple, on voit un beau frigo, bien ça, c'est en fait le bon camarade qui gère le frigo parce que quand vous rentrez par Ringuet, 2e étage, vous allez voir un gros frigo. Les gens peuvent prendre de la nourriture. Devant la cafétéria, il y a un petit bureau avec des grillages, là, c'est juste à droite de ça. Oui, exactement. C'est en s'en allant vers la bibliothèque. Il y a aussi les prises de bourse, qu'est-ce qu'il y en a avec ça? Mais là, il paraîtrait que Justin a fait des trucs pas très gentils. Justin Trudeau? Oui. Oh. Ça explique justement parce qu'avant, il y avait une déduction d'impôts par rapport aux frais de scolarité que Justin a aboli. Donc, c'est sûr que pour les gens, pour les étudiants qui sont qui arrive un peu moins, c'est sûr que c'est un 500$ qui leur coûte. Ouais, mais par hasard complètement total, Tania, on a un coupon pour 5$ de rabais à l'épicerie. Exactement. Ben oui. IGA marché pas extra pocket. Marché IGA extra pocket. Ils sont extra pocket. Ok, oui. Le timing. En actualité toujours, en chronique cette fois-ci, on a une nouvelle chronique de la part de l'habitude du journal, Gabriel Senville, qui transitionne à son rôle de chroniqueur. Il nous parle des années Ding Dong. Oui, Ding Dong, qui est un duo d'humoristes québécois, en fait, ceux qui font Papa et Maman dans la petite vie. Mm-hmm. Donc, avant, il y avait Ding et Dong, et il explique le contexte historique aussi, le contexte comme quoi ça vient après le référendum 1980. Mm-hmm. Donc, le développement de l'humour dans les années 80 au Québec. Mm-hmm. Ensuite, l'Association syndicale des travailleurs étudiants et travailleuses étudiantes de l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'ASTRUQTRAPFPC, hein, qui nous parle d'une période d'ajustement et d'adaptation. Oui, exactement. Donc, l'ASTRE, qui est l'Association syndicale des travailleurs étudiants et travailleuses étudiantes de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Oui, c'est toujours la même chose que tout à l'heure quand j'ai dit la même chose. Oui, exactement. Je suis pas réveillé un matin. Oui. Bon matin! Allô? Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que depuis l'année passée, il y a une assemblée générale pour approuver la nouvelle entente. Mm-hmm. Donc, depuis ce temps-là, c'est un petit bilan depuis mars dernier. Une bonne chose. Portrait d'une étudiante au cycle supérieur de la Havane à Trois-Rivières. Oui, qui est en fait Sarai Morea Oura, je m'excuse, je sais vraiment pas. C'est plus drôle de dire Oura. Oui, Sarai Morera. Mais souvent, on va l'appeler Sarai Morera. Oui. Oura, elle, c'est une étudiante cubaine, d'origine cubaine, qui ne parlait pas un seul mot français quand elle est arrivée à l'UQTR. Et c'est quelqu'un, en plus, qui s'implique dans sa communauté aussi. Cool. Donc, le portrait d'un étudiant plutôt intéressant, qui est rendu à la maîtrise et qui pense peut-être à l'au-doctorat. Mm-hmm. Ensuite, dans son éditorial L'humain approximatif, Samuel Pedro Beauchemin, son titre, c'est « J'écris ton nom ». Oui, comme dans « Liberté, j'écris ton nom ». Ah, voilà. Mm-hmm. « Liberté » comme dans « Liberté ». Oui, comme dans « Radio à Québec ». Oui, c'est justement ça son sujet. Exactement. Toujours en chronique, La Petite Vite. Oui. Cette fois-ci, c'est Eliane Baudry qui nous parle de ses jouets si jouissifs. Oui, et on parle pas ici des suggestions de cadeaux Noël pour enfants. Non! Tania rit. Loin du micro, on aime ça. C'était très drôle. Ça l'a pris par surprise. Donc, ça parle d'autre chose que les enfants ne doivent pas utiliser comme avion, mettons. Mettons. Référence comme à avion? L'annonce d'IKEA. Ben, l'annonce d'IKEA. OK. OK. L'Association des étudiants en sexologie lance un calendrier inclusif. Oui, donc, c'est un calendrier qui met en vedette des gens, en fait, de toutes sortes d'orientations sexuelles, de toutes sortes de genres, aussi d'âge, de diversité aussi culturelle. Donc, c'était pour aussi financer leurs activités, mais en même temps, le but aussi de l'association, en fait... L'association des étudiants en sexualité. Ouais, sexologie? Sexologie, oui, je crois. Oui. Donc, cette association-là... Oui, c'est ça, en sexologie. Donc, cette association-là organise des activités à chaque année. Mmh. Comme là, le calendrier, c'en est une. Et en même temps, ça permet de financer l'association, qui n'est pas une association... Officielle d'étudiants, mettons, parce qu'il n'y a pas encore de bac en sexologie, par c'est exemple. Ça. Mais c'est une... En fait, ça représente un groupe en psychologie. Mmh. Parce que la sexologie à l'UQTR est reliée à la psychologie. Ouais. Donc, c'est pas... C'est un groupe indépendant, si on veut. Oui, je pense qu'il va y avoir bientôt un certificat qui est en branle en sexologie aussi. Donc, tranquillement... Ça fait longtemps qu'on en parle, donc peut-être un jour, on va l'avoir. Oui, mais il paraît que ça avance tranquillement. Là. Tant mieux. Il y a des bonnes nouvelles peut-être là-dessus. Donc, un calendrier que vous pouvez vous procurer pour 10$. Ici, il y a des nouvelles sur le bac. On va en parler dans un campus. Mm-hmm. Hein? L'UQTR et la Chine, le dragon est sur le campus. Oui, parce que la Chine, les étudiants chinois sont de plus en plus nombreux à venir. Donc, au début, je crois, la première année, il y en avait... En fait, c'était quoi le nombre? En 2015, il y avait peut-être une trentaine d'étudiants. Et là, c'est 140 étudiants de la Chine. Donc, c'est plus que 4 fois là, ouais, en 2 ans. Donc, c'est des étudiants qui s'impliquent de plus en plus, qui sont intégrés dans des activités aussi. Mm-hmm. Par exemple, il y a des pommes. Oui, ben... Ah! Ils ont ben cueilli des pommes, la photo est là. Ben oui, c'est vrai, mais c'est que dans l'article, ils n'en parlent pas explicitement, c'est pour ça. Ah, bon. Bon. Hein? C'était pour illustrer, pourquoi? Mais c'est cool. Ben, aussi, le tournoi de billard, il y avait des étudiants chinois qui se sont impliqués là-dedans aussi. Ouais. On vient en chronique avec un œil sur l'actualité internationale. Tu l'as dit tantôt, c'est la dernière chronique de Gwendoline Lebeaumain, les malheurs du tourisme. Oui, parce que les animaux en tourisme sont pas nécessairement bien traités. Par exemple, les éléphants... au Vietnam. Il y en a qui sont pas mal exploités. Tu sais, quand tu montes sur le dos d'un éléphant, c'est pas nécessairement équitable. Non, c'est ça. C'est pas nécessairement quelque chose qu'il a envie de faire, l'éléphant. Oui. Un grain de science à la fois, c'est la chronique de la Seigneur Quilly, qui nous parle de rhume et de grippe. Oui, exactement. Pourquoi? Comment ça arrive, ça? Et souvent, on pense que c'est le froid, oui, d'une certaine partie, mais il y a des explications aussi biologiques par rapport au changement de température parce que le corps doit constamment s'adapter. Ouais. Et elle nous explique qu'il n'y a pas de recette miracle, mais que buvez de l'eau, prenez de la vitamine C. Vos nouvelles meilleures amies. Oui, exactement. Mm-hmm. Et pour terminer les actualités, on a un portrait de José Lemay, une personne ressource indispensable qui est en soutien aux étudiants en situation de handicap. Oui, exactement, que ce soit handicap physique ou neurologique ou peu importe. En fait, le type d'handicap, José Lemay, c'est elle qui va aider l'étudiant à coordonner sa vie académique. Mm-hmm. Ensuite, on passe en art et spectacle et on s'est séparé la section en deux, donc à ton tour. Oui, tout à fait. On retrouve en fait notre photo de la une dans la première page des arts et spectacles. C'est un article de Marc-André Arsenault. On parle de l'événement sombre et coloré sur le terme du cirque. Oui, exactement. Donc, c'est les étudiants les étudiants en loisirs, tourisme et culture qui ont organisé ça. Mm-hmm. Et à chaque année, ça s'appelle, l'événement s'appelle Arborescence et c'est un événement annuel. Et en fait, c'est de préparer une exposition avec les talents des étudiants qui sont en loisirs, tourisme et culture. Ouais. Et il y a même des professeurs chargés de cours qui s'impliquent là-dedans. Il y a même un étudiant en maîtrise qui s'est impliqué là-dedans cette année, ce qui est une première. Et à chaque année, il faut chercher comment épeler arborescence. C'est arborescence. Oui, en effet. Caroline Filion, elle, nous fait découvrir les sorties d'albums de novembre 2017. Oui, exactement. Et là, il y a du blue. Ben, en fait, il y a du jazz, il y a du world beat, il y a de l'alternatif, il y a de l'électro, il y a la bronze, un artiste fou, je crois. On aime tellement la bronze. Oui, on peut dire que c'est une amie de l'émission. Ben oui. C'est tout? Oui. Ah, OK, c'est bon. Donc, ben, c'est 3 albums. Philippe Braque, La Bronze et également Sans Assoul, un très bon album Sans Assoul de l'artiste Laetitia Zozambé. Sinon, on parle de l'œuvre au 100 clochers, Visage de Virginie Bergeron-Saint-Martin. Oui, qui est la dernière gagnante de la bourse Gilles Verville. En fait, la bourse Gilles Verville est décernée par le syndicat des profs à chaque année un artiste étudiant de l'UQTR, donc c'est très important que l'artiste soit étudiant. L'œuvre était affichée, mais là, elle ne l'est pas encore, mais il paraîtrait que l'œuvre de Virginie va être réaffichée très bientôt. Ouh. On a hâte de voir ça, c'est une belle œuvre. Oui, vraiment. On fait un portrait de Rémi Francoeur, un passionné de culture et d'interaction humaine. Oui, donc on le voit parfois comme arbitre de la lutte, mais il n'est pas juste arbitre de la lutte, il y a plein d'autres choses aussi. Rémi qui est venu prendre justement des cours à l'UQTR, donc c'est un ancien étudiant. Même si il n'a pas complété son programme, il a quand même fait des cours, il s'est impliqué en théâtre, il s'est impliqué aussi au niveau communautaire. Et là, sa carrière d'acteur dans la région prend un envol de plus en plus, notamment avec son implication au Cirque du Soleil. Oh. Judith Étier, elle, nous parle de littérature encore une fois. On parle de l'horreur à son état pur encore une fois. Oui, parce que Patrick Sénécal, c'est le Stephen King québécois. Mm-hmm. Et là, il paraîtrait que c'est vraiment une espèce d'histoire bizarre d'un gars de Drummondville qui ne comprend pas ce qui se passe. Oh, OK. Eh bien, donc, ça laisse perplexe. Oui, et c'est quand même... Juste qu'il soit de Drummondville. Oh, hey, c'est vrai, c'est une ville sauf douleur. C'est ça. Vrai, c'est ouais, vrai. Oui, ouais, quand même. Hein? Ben, dans Crow, qui est une ancienne revue satirique. Oui, le Safarir des années 80. Oui, ben, les deux étaient en même temps, quand même, Safarir, Crow. Et Drummondville, c'était vraiment une ville punching bag. Oui. Pourtant, c'est une belle ville dynamique. Ben oui, ils ont une, ils ont l'Université du Québec à Trois-Rivières, section campus Drummondville. Ben oui! Oui. Toujours à leur spectacle, Cyclage, qui est une exposition qui a lieu pour le mois de novembre à la Galerie A3 du campus de l'UQTR. Oui, exactement. Donc, Marc-André qui va nous faire une rétrospective de toutes les expositions qui ont lieu avec, à la Galerie R3, qui est juste à côté, puis ont vraiment des belles œuvres aussi. Ça vaut la peine comme l'opéra. Présentement, là, je fais une petite parenthèse de ce qui se passe présentement. C'est l'exposition Bénéfique qui est organisée par les étudiants en art. Donc, ce qu'on a parlé justement, l'exposition qui est en article, un monde qui se dessine autour de nous. Et bien, c'est quoi? C'est une espèce d'expérience, j'arrive pas à le décrire. C'est pas, en fait, c'est une exposition qui a lieu au mois dernier et c'est une espèce de travail de laboratoire. OK. Comme une espèce de work in progress. Bref, je voulais lire l'article. Ouais, ça a l'air le fun, puis c'est très... Ouais. Ça bouge beaucoup, c'est du noir et blanc pas mal, mais en même temps, il y a d'autres affaires autour. Oui. C'est le fun. On est de retour avec de l'improvisation. T'as parlé du mot 8 très tantôt. Ben justement, il y a un portrait de recrue dans le zone campus, c'est celui de Julien Lavertu-Martel. Oui, on reste sur la 20, l'autoroute 20. L'autoroute 20, okay. Ben oui, à Victoriaville. Okay, je pense oui. Que c'est bien sur la 20, ça, Victoriaville, oui, je me trompe. Donc, sur Julien Lavertu-Martel, qui est quelqu'un qui est aguerri en théâtre aussi. Ouais. Souvent, je sais pas pourquoi, mais on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont une formation, ben pas une formation d'ensemble académique, mais qui ont de l'expérience en théâtre. Exact. Ça a du sens en même temps. Oui, mais en fait, lui, il a déjà fait ses armes en improvisation dans la Ligue d'improvisation de Victoriaville et environ, qui est la LIV. Oui. Donc, et qui est habitué de jouer devant une foule de 100-120 personnes. Et c'est ce qui fait encore à la lutte parce que c'est souvent ça. Oui. En chronique maintenant, le gars qui parle de cinéma, Louis-Étienne Villeneuve, qui nous parle du film Barbara, l'aboutissement d'une réflexion. Oui, exactement. Barbara, en fait, qui n'est pas nécessairement un film sur la chanteuse Barbara, mais qui est un film sur une actrice qui va jouer Barbara. Ah, d'accord. C'est une mise en abîme. Non, ben. Mais je sais pas, parce qu'une mise en abîme, c'est une image qui est reproduite exactement par une autre exemple. Bon, on peut dire ça comme ça. Je pense que oui. Centre d'exposition Raymond Lallier, c'est toi qui es allé visiter ça, t'as dégusté la vie artistique. Oui, petit retour parce que l'article est également dans le blog depuis un certain temps. Donc c'est comment mélanger art et dégustation. Exactement, on avait parlé de ça à la chronique avec toi il y a quelques temps de cela. Oui. Voilà pour les arts et spectacles, on y va en sport maintenant. Eh bien oui, c'est Étienne Lebel-Michaud qui nous fait un bilan automnal soccer et cross-country, deux poids, deux mesures. Oui, donc soccer qui ont failli d'aller en série les deux équipes parce qu'il y a deux équipes, féminine et masculine. Et les deux ont failli d'être faire les séries, mais finalement, ils ne l'ont pas. Mm-hmm. Et ça a été très serré. Et au soccer masculin, on sait un petit peu le pourquoi. Je ne sais pas si on peut le dévoiler, mais disons qu'il y avait des problèmes de gestion. Des problèmes de gestion? Mm-hmm. Est-ce que c'est public? Ben, ça le dit dans le reportage. Okay. Ouais, c'est ça, mettons. Le reste, on a les détails, mais on peut pas les dire. Oh, ouais, exactement. Super. Mais disons que, parce qu'il y a une saison intérieure qui a lieu cet hiver, on va voir comment ça se passe. D'accord. Et aussi, cross-country, il y a deux des athlètes, Nicolas Gilbert et Marc-Antoine Senneville, qui ont été au championnat canadien, qui ont obtenu un top 100, ce qui est excellent. Un comment? Un top 100, parmi les athlètes canadiens, ce qui est quand même excellent. Donc, aussi, deux. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils sont dans le top 15 des meilleurs coureurs québécois. Mm-hmm. Donc, Nicolas Gilbert et Marc-Antoine Senneville. On parle aussi des Patriotes, en fait, en reportage. Cette fois, on se demande si vous aimez les Patriotes. Oui, exactement, parce que le taux d'assistance dans les matchs des Patriotes n'est pas très, très élevé. Ça ne remplit pas tant que ça le gradin. Il y a des exceptions, par exemple, quand il y a eu des tailgates. Là, comme l'année passée, au Colisée Trois-Rivières, il y avait le Prix du Gros qui organisait un événement parmi les joueurs juniors. Mais en fait, les joueurs des ligues mineures. Donc là, ça a permis d'avoir 2500 personnes. 2474, pour être exact. Oui, ben, Environ, c'est pour ça que je disais environ. Merci, Tania, de plus ça. Marc-Olivier Dumas. Donc, environ, oui, exactement. De façon, le nombre précis se retrouve dans l'EUA, qui est la ligue dans laquelle s'affichent les Patriotes, parce que les Patriotes jouent dans une ligue ontarienne. Non, je savais pas ça. Oui, tout à fait. Parce que c'est la seule équipe francophone au Québec qui joue au hockey universitaire. Si mettons qu'on exclut McGill et Concordia qui sont anglophones. Oui, ben. Mais ils jouent eux aussi dans le marché dans ontarien. Parce que toutes les autres équipes québécoises universitaires jouent dans le réseau des sports étudiants québécois, du Québec, pardon, le RESEC. Le RESEC. RSEQ, ça. RSEQ, oui, exactement. Sinon, on fait le portrait d'une étudiante au cycle supérieur, la gymnastique de la pratique au sujet de mémoire. Oui, exactement, qui a un lien, en fait, avec son mémoire de maîtrise, parce que c'était quelqu'un qui était intéressé par toutes sortes de choses. C'était une joueuse de soccer et de natation, mais finalement, elle a décidé plutôt de bifurquer vers la natation. Parce que ce qu'elle explique, c'est que la natation peut autant être à l'individuel qu'en équipe, parce qu'elle ne pouvait pas jouer au soccer et jouer et faire de la natation en même temps. Donc, elle explique aussi son parcours académique. Elle peut faire du water polo, quand même. Ah, c'est pas... Ouais, mais ça, c'est comme du volleyball. Pas fou. Ouais, c'est vrai, c'est pas fou. Vincent Boisvert, lui, nous parle des e-sports. Est-ce qu'on parle de vrais sports? Oui, Mathieu, est-ce que, selon toi, gamer, c'est un sport? J'ai toujours dit que non, mais on a eu un chroniqueur sportif il y a quelques années qui nous a expliqué pourquoi ce serait potentiellement un sport, et je pense qu'il m'avait convaincu un petit peu à l'époque par rapport à l'entraînement, puis au temps que tu passes là-dessus, puis aux substances illégales, puis il y a pas mal de parallèles à faire, mais en tant que tel, je dirais que non. Toi, est-ce que tu penses que... Tania, est-ce que tu penses que Mathieu est un sportif? Non. Non. Donc, le e-sport, c'est quoi? C'est les sports électroniques. Il y a même des compétitions de jeux électroniques. Et Vincent nous explique le débat autour de la question. Ouais, c'est ça. Sinon, on parle aussi des Patriotes sur la route avec l'équipe de badminton. Escapade avec de joyeux moineaux. Oui, parce que Étienne, pendant une fin de semaine, est allé avec l'équipe de badminton et explique son parcours. C'est pas un résumé d'un match des badminton. Ça, vous pouvez le voir sur le blog en dépêche, mais c'est vraiment Étienne en tant qu'observateur privilégié, en tant que VIP de l'équipe. On aime ça. Oui. Sinon, on parle aussi d'un profil de patriote. On parle de Justine Ricard comme un poisson dans l'eau. Oui, Justine Ricard qui est une, en fait, une athlète des Patriotes natation qui est à surveiller. C'est quelqu'un qui n'a pas de difficulté à décrocher les médailles durant les compétitions. Elle en a même gagné deux au cours de la dernière compétition en natation. On fait aussi le profil d'un athlète masculin, donc Pierre-Maxime Poudrier, un leader dans l'âme. Oui, exactement, qui est le capitaine des Patriotes hockey, mais qui n'est pas juste capitaine des Patriotes hockey et... qui est impliqué socialement aussi, par exemple, pour la guignolée des médias, il est très impliqué là-dedans aussi. Et aussi, petite anecdote, quand il était dans la LHJMQ, l'actuel entraîneur des Patriotes, qui est Louis-Étienne Hubert. Marc-Étienne, oui. Je mets dans les noms. Ça va. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Qui était entraîneur, donc quand Pierre-Maxime Poudrier s'est retrouvé justement chez les Patriotes, bien la transition, je crois, entre entraîneurs s'est bien passée. Oui, je pense que oui. Sinon, il ne serait pas nommé capitaine. Non, c'est ça. Ça m'aurait grandement surpris. Et c'est ce qui fait le tour de la section des sports et le tour du Zone Campus. Ah, le beau journal Zone Campus qui sort en kiosque cette semaine, aujourd'hui, pour le mois de décembre 2017. Donc, c'est celui qui va être là pour vous pendant toute la période des fêtes jusqu'en janvier. Le prochain numéro sortira au début du mois de janvier. Oui, ça roule. Oui, ça roule. Ça va super bien. Le Zone Campus, c'est toujours une fois par mois et toujours sur lezonecampus.ca pour les nouvelles un petit peu plus d'actualité courante. Oui, puis je vais apporter une petite précision par rapport au blog parce qu'il se passe des choses aussi. Ben, vas-y, fort. Je vais donner ça plus de détails la semaine prochaine si vous voulez que je sois là. Ben oui. La semaine prochaine. Ben oui. En fait, il y a eu le dernier CA de l'agriculteur qui n'est pas encore en ligne, qui va être en ligne tantôt. Okay. Mais c'est quand même assez important parce qu'il y a eu, notamment par rapport au statut du CA de la chasse-galerie, qui a eu tant de discussions parce qu'on a créé le CA de la chasse-galerie parce que les internationaux ne pouvaient pas s'impliquer dans le CA. Donc là, c'est un peu compliqué pour régler la situation en partie, c'est une des raisons. On a créé le CA qui régit la chasse-galerie, qui est formé de 3 administrateurs du CA de l'agriculteur, qui est formé de 3 officiers de l'agriculteur et de 3 étudiants. Okay. Et là, il y a eu des débats justement de pourquoi on ne peut pas davantage s'impliquer. On a parlé d'agrandir le CA, mais il y a le mot « invité » aussi, que c'était un petit peu de la discussion. Okay. Mais dans le sens que tous les étudiants peuvent venir comme observateurs, c'est juste qu'il faut qu'ils avertissent avant le CA. Mais tout le monde peut aller au CA de la Chasse-Galerie. Il faut juste signaler sa présence avant. Cool. Et il y a aussi, par rapport au spectacle de la rentrée. Mm-hmm. Voilà, grosse controverse en ce moment par rapport à ça. Hein? Oui, exactement. Donc, ce qui arrive avec ça, c'est que l'organisation va être totalement changée. C'est que c'est l'agent éducateur qui va mettre en place un comité étudiant qui va organiser le spectacle de la rentrée. Ce qui veut dire que C'est Fou ne sera pas nécessairement... n'est plus l'organisateur. C'est bon de le savoir. Ben oui. Merci David de nous renseigner sur ces choses-là. Ben ça fait plaisir. Puis il y a d'autres choses aussi. Il va y avoir la visite de Gabriel Nadeau-Dubois. Le 13 février. C'est quand là, j'ai plus la date, mais il s'en vient en session d'hiver. Cool. Oui, il va être là parmi nous. Ici à l'université, là. Oui. OK. Oui, il va être là. On en reparle, David Ferron. Oui. On reparle de tout ça la semaine prochaine. Oui. Toi qui es au courant pas mal plus que nous de bien des affaires. J'essaye. David Ferron, le chef de pupitre du Journal Zone Campus, merci encore. Et merci Tania pour les noms. Hey, ça fait plaisir. On prend une petite pause, on revient juste après. Assemblage requis continuera avec entre autres la collée de la huître et d'autres choses. On s'existe, mais ça ne devrait pas en là aussi qu'on fait tomber. Reste là. Toujours dans l'émission matinale Assemblage requis, accompagné de Tania Bourdin et de Mathieu Plante. Ok, oui. On écoute un petit peu de musique pendant qu'on a le temps. Certainement. Hein? Écoutons en l'honneur de David Ferron tantôt, c'est lui qui nous avait conseillé d'écouter cette, cette formation-là. Donc voici Papa Groove avec All of Us. How did we get so rude? Why can't we stop now playing the fool? Let's bring it down today and leave our superstitions real far away. We want it no more the feeling of being caught in a race. We want it all on the table, the conflicts at bay. Troublemakers real far away. Why don't we bring it down? We all know why. Papa Groove! Avec All of Us! Oh. Et maintenant, c'est la suite de son foutu palmarès. Oui, c'est la chronique qu'on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Tantôt, on avait parlé d'objets bizarres qui étaient tombés sur Terre. Un peu dans la même lignée, on va y aller avec d'autres choses de bizarres. C'est des trucs qu'on voit souvent dans les films ou à la télé, mais qui sont complètement irréalistes. Mm-hmm. Irréalistes. Donc, on essaie de faire passer les choses à la télé ou au cinéma. On triche un petit peu sur des petits détails. Tu sais, comme genre, les gens parlent au téléphone puis disent jamais au revoir. T'sais. C'est vrai, hein? Ils font juste raccrocher et clunk. C'est ça, on se rejoint à tel endroit, clac! D'accord. Pourquoi, tu sais? On commence par le fait que les voitures n'ont pas d'accote-tête. Oh, j'avais jamais remarqué. Dans les films, parce que sinon, ça bloquerait la caméra. La prochaine évidemment. Fois que vous allez voir des personnages de films aller se promener en voiture, regardez bien comme il faut la voiture et il n'y en a pas de ces appuis-têtes, les coussins ajustables qui sont là pour protéger ta tête si jamais tu avais un accident, bien sûr. C'est vrai. Mais dans tout ce qui est fiction, ça se met dans le chemin pour les caméras. Hein? C'est la même chose souvent pour la même raison pour laquelle on enlève les miroirs du milieu de du pare-brise des fois. Mm-hmm. On les enlève. Ça paraît pas tant que ça. Quelqu'un qui porte attention va s'en rendre compte, mais sinon, ça passe assez inaperçu. Ensuite, on parle du fait que les rues sont souvent mouillées le soir. Les protagonistes d'un film ou à la télé vont se promener dans leur voiture sans leur accote-tête, leur appui-tête. Et vous avez remarqué que des fois, ben, la rue est complètement mouillée et remplie de pluie. On se dit que c'est normal, mais non, c'est en fait le directeur de la photographie du film qui l'a demandé. Les asphaltes mouillés, ça va empêcher la diffusion des ombres des équipements de production qui sont autour. On verrait les reflets des caméras, les ombrages de ça. Et ça va aussi refléter la lumière disponible dans le studio ou à l'endroit où on filme pour créer une ambiance plus sombre. Ensuite, on pense des fois dans les films que les systèmes de comment dire d'eau là, tu sais, qui vont les sprinklers qu'on appelle, comment t'appelles ça, les trucs qui envoient de l'eau partout quand il y a un feu ou de la fumée. Ben c'est ça, un sprinkler. Un sprinkler qu'on appelle quand il y a un terme en français, mais on va dire un sprinkler. Un diffuseur d'eau, exactement. C'est fou, diffuseur d'eau. une distraction dans les films souvent les sprinklers qui vont répondre aussitôt qu'un personnage va allumer une allumette pour faire partir les sprinklers pour une raison ou une autre dans le scénario. Comme l'industrie des sprinklers, des arroseurs, quelque chose comme ça. Ah oui, les arroseurs. Peut-être. Arrosoirs. Les systèmes ne fonctionnent pas comme ça du tout, en fait, parce que personne ne voudrait nettoyer tout l'étage ou tous les bureaux. Donc, une source de fumée ou de feu va faire partir le sprinkler le plus proche en faisant fondre un élément sensible à la chaleur à l'intérieur du sprinkler. Et seulement ceux qui sont exposés à la chaleur vont répondre. Donc, vous n'allez pas faire partir ça. Contrairement au film. Essayez pas. Ensuite, on voit souvent dans les films du chloroforme. Oui. Et le chloroforme va commencer à fonctionner immédiatement et ça va essentiellement juste endormir la personne sans trop faire d'effet à long terme. Mm-hmm. Hein, on le voit souvent dans les films. Une façon facile de calmer un personnage qui est trop important pour être tué, mais qui est pas assez important pour rester là. Hein. Bref, contrairement aux effets rapides d'un linge mouillé de chloroforme utilisé par un vilain, le vrai chloroforme doit être inhalé pendant plusieurs minutes pour affecter la conscience d'une personne. C'est aussi extrêmement dangereux à inspirer. N'importe quelle scène dans un film aurait tué le personnage. Ah, mon Dieu! Tristant. Ensuite, les conduits d'aération. Oui. On voit souvent ça dans les films. Hein. On voit. C'est un classique. Bruce Willis dans Die Hard, c'est ça? Bruce Willis. C'est lui, hein? Ouais. C'est bien Bruce Willis. Se promener dans les conduits d'aération sans être détecté, il n'y a aucun problème. Il y a des sitcoms aussi qui ont ça où à la fin de l'épisode, les personnes vont tomber du conduit d'aération. Ouais. Même si dans le fond, tu n'as jamais vu qu'il y avait un conduit d'aération dans cette pièce-là, il n'y a aucune raison d'en avoir un, mais Souvent, le personnage va tomber tout sale, tout sale. Donc, les héros vont se faufiler là-dedans. Il n'y a rien de mieux pour faire un bon scénario de film que de passer dans ces conduits-là, naviguer là-dedans sans être vu ni entendu, comme John McClane dans Die Hard, dans les conduits d'aération de Nakatomi Plaza. Malheureusement, ces vrais systèmes-là, ou heureusement en fait, ne sont pas faits pour supporter le poids d'un adulte complet. Non. Et c'est souvent même pas assez grand pour qu'un adulte puisse se faufiler dedans. L'intérieur de ces conduits-là serait rempli de poussière, même si, bon, comme on l'a dit dans les sitcoms, des fois, ils vont finir avec plein de poussière. Oui. Donc au moins, ils ont ce facteur-là quand même de correct. Même si le protagoniste trouvait une façon de défier la physique ou une personne peut-être de très, très petite taille, cette personne-là ferait tellement de bruit, étant donné l'écho, hein, qu'il se ferait découvrir immédiatement. Et finalement, les silencieux de fusil. Oui. Hein? On pense dans les films que ça va éliminer complètement les bruits des fusils. Lorsqu'un vilain veut être le plus discret possible, il va souvent visser rapidement un silencieux à son arme à feu pour enlever complètement le son. Les films vont montrer ça comme si c'était un presque rien, comme un genre de, dans l'article on dit, un pet de souris. Non. Mais la réalité, c'est que quand même, ces silencieux-là font du bruit quand même. Ça calme le bruit, mais ça l'élimine pas complètement. Mythbusters, les stupéfiants ont déjà fait un reportage, un segment là-dessus dans leur émission. Donc voilà, c'était 6 façons que les films vont distorsionner un petit peu la réalité. Mais en même temps, pas trop non plus. Pas trop non plus, mais c'est vrai par contre, parce qu'il faut le faire. Pas le choix. On peut pas le faire. Voilà. Retournons en musique quelques instants. On va l'entendre. Une bonne vieille pièce. Uh-huh. Du passé des palmarès. Oh, d'accord. C'est le fun. Oui, on aime ça. Ça te tente pas mal. Ça me tente vraiment gros. D'aller entendre The Andy Kaufmans. Voici Inked Heart à Assemblage Requier sur C'est Fou. I had a feeling you'd come around. And when I'm dreaming, I hear the sound of your footsteps stomping the ground. And when you're near, was lost, now I'm found. And when I'm floating above the ground, I can see it all over town. When I speak, no words come out, 'cause I'm a tongue-tied, twisted up fool. What's your story about? Avec Inked Heart à Assemblage Requis, Tania. Oui. Jason, un peu. Ben oui, certainement, parce que Mathieu, aujourd'hui, ça fait 100 ans qu'Halifax commémore une explosion qui a eu lieu dans le port d'Halifax. Okay. Je sais pas si tu étais au courant, mais ça s'est passé le 6 décembre 1917. Donc, on parle de cérémonies funéraires qui vont se dérouler un petit peu partout à Halifax aujourd'hui pour marquer le 100e anniversaire d'une immense explosion qui avait ravagé le port de la capitale néo-écossaise. Ça a fait 11 000 morts et blessés à l'époque. La catastrophe, appelée communément l'explosion d'Halifax, demeure un des pires désastres qui a été provoqué par l'homme dans l'histoire du Canada. Donc, c'est un professeur de l'Université York, Jack Rosedilsky, oui, et voilà, qui croit que c'est quand même assez important de se souvenir de ce qui s'est passé cette journée-là parce que c'est quand même terrible. Même si ça semble très loin, il faut en tirer des leçons. Donc, le professeur souligne qu'il y a des accidents qui peuvent encore survenir malgré toutes les nouvelles technologies, la préparation des autorités pour les situations d'urgence. Et l'explosion de 1917 avait été causée par la collision de deux bateaux, en fait, dans le port. Et on rappelle que les catastrophes peuvent arriver dans de grands centres, entre autres, ici à Trois-Rivières, on a un port. À Montréal, il y a un port aussi. Québec a un port, si je me souviens bien. On a des trains de matière dangereuse aussi. Aussi, exactement. Donc, il y a plusieurs changements en matière de sécurité qui ont été effectués après l'explosion du côté d'Halifax. Il y a de nouvelles règles aussi sur le stockage de matériaux dangereux et sur la navigation dans les ports qui ont notamment été adoptées à la suite de cette immense explosion-là. Mais la catastrophe a été léguée, en fait, un héritage encore plus important. Donc, l'explosion qui a projeté des éclats de verre un petit peu partout, ça l'a laissé plusieurs personnes aveugles, ce qui a joué un rôle assez important dans la création de l'Institut national canadien pour les aveugles. Oh, wow. C'est à la suite de cette immense explosion-là. Et l'événement a également marqué un point tournant majeur pour la Croix-Rouge canadienne, qui auparavant n'avait vécu aucun gros désastre civil important. Et en 1919, bien, l'organisation a élargi son mandat pour pouvoir intervenir également en temps de paix dans les désastres et les urgences médicales. Eh bien, Colin, ça me rappelle ton histoire avec Bali tantôt. Oui, en effet. Halifax, Bali, même histoire, tellement que on appelle Bali-Balifax depuis ce temps-là. Ben oui, mais hey, Mathieu, la catastrophe a aussi mené à la construction du premier projet d'habitation au Canada. Donc, le quartier Hydrostone, ça s'est développé à partir des cendres du quartier dévasté qui était Richmond, au nord de la ville. Et le quartier Hydrostone, maintenant, c'est connu comme étant l'un des endroits les plus uniques à Halifax. Mais ça s'est bâti à la suite de cette catastrophe-là. Ça a eu du bien quand même, au moins. Oui, oui, oui, ouais, quand même. Triste. Donc, 100 ans pour ça, Halifax. Mm-hmm. Merci, Tania. Ça fait plaisir. On a Frédéric Simon qui est arrivé en studio pour la chronique « Dans les coulisses de la lutte ». Frédéric qui est en remplacement de Xavier Clich, qui est en remplacement de Fred Hood. Je pense qu'il faut dire ça. Tu le dis bien, tu dis bien. Mais il est là, c'est important. Allô? Allô, ça va bien? Ça va bien, vous autres? Ouais. Très bien. De quoi on parle dans les coulisses de la lutte, tonton? On parle du match de lundi. Incroyable. Incroyable. Wow. J'ai l'impression à chaque semaine que je vais être surpris. On s'en entendait pas. Spoiler alert. On va aussi parler de ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Mm-hmm. Alors, une pause et on revient avec Dans les coulisses de la lutte. Assemblage requis à moins d'une minute de la troisième heure. Ouh là là! 8h59! troisième heure d'assemblage requis, donc on est ensemble jusqu'à 10h. Certainement. Tantôt, on va s'acheter des gadgets sur Internet dans 5 secondes. Oh répond, my God, yeah. En remplacement de Marc Lachance. Mais justement, tiens, en remplacement de Marc Lachance, qu'il a fait la semaine passée, qui était en remplacement de Xavier McLeish, en remplacement de Gabriel Béoud, on a Frédéric Simon. Alors voici Dans les coulisses de la lutte. Son instrument, c'était pas pire, ça? Ben oui. Comme un vrai band. Un vrai band de vrais musiciens. Frédéric Simon. Allô? Toi qui joues avec les mots en improvisation, Ouais, pas tant que ça. Non. C'est vrai que t'es plus un gars d'action, un gars de physique. Ben oui, de non. Position. Donc, qu'est-ce que tu fais de bord? Je suis là pour faire des niaiseries sur scène. Okay. J'essaie de te trouver un rôle, mais finalement, tu fais rien ben, pantoute. Je te laisse les jeux de mots. Merci. Merci. Oui, donc, on avait un match lundi soir. Oui. 20h. C'est un bon match qui a posé les bleus et l'orange. Il y a pris un petit bout à commencer quand même. Oui, mais c'est là où je m'en allais. Ça commençait peut-être un peu lentement, mais c'est deux équipes qui jouent beaucoup dans la théâtralité, dans les impôts sentis, mm-hmm. pas nécessairement beaucoup dans le punch. Ça a peut-être paru tout au long de la soirée, mais ça a donné lieu à d'excellentes impôts et on va y venir. Oui. D'abord, l'arbitre Vincent Rainville qui s'est inspiré d'un excellent album de Carquois, le volume du vent, pour ses thèmes. Pas pire quand même. D'habitude, il y en a qui choisissent genre des albums de musique. Lui, il a choisi un album de musique. Piste 1. C'est ça. Et voilà. Beaucoup d'impro. Il y en a eu un peu plus que sur l'album. Ouais, et plus d'impro que d'habitude. Il me semble qu'on se rend pas aussi loin sur la feuille habituellement. Des impro plus courtes peut-être. 15 impro, oui, c'est quand même une bonne soirée. Ouais, hein. Grosse soirée. Grosse soirée aussi au niveau des pénalités, mais... Effectivement, encore une fois, la feuille est remplie. Il y en a dans, je dirais peut-être le tiers des cases. Oui, mais le pire, c'est qu'il n'y a pas eu tant de pénalités d'équipe, mais beaucoup de pénalités personnelles. Et ça, c'est assez rare. Ça a changé le match pas mal parce qu'on a fini par éliminer deux personnes en cours de soirée. Et oui, dans la même équipe. Ouais. Donc, faisons un petit résumé de la partie. On a commencé évidemment avec le thème « Le compteur », où ça a commencé un peu étrangement avec une personne laide. Oui, oui. une narration d'Alexandrine Pichessire d'un rôle joué par Stéphanie Bellil. Stéphanie Bellil, c'est ça. Là, on s'attendrait pas à ce qu'elle ait un rôle de femme affreuse quand même. Hein? Mais non. C'est un rôle de composition, c'est de l'improvisation. C'est ça. Mais ça a donné lieu quand même à une belle improvisation et peut-être une des plus punchées justement du côté des Oranges. Ouais. Toute équipe a participé, donc Marc-André Marion Flamand et Alexis Roy qui a joué son premier match avec la lutte. Oui, Alexis Roy qui est tombé en amour avec cette femme LED. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est bien ça? C'est ça, exactement. Ouais. Oui. Bon. Belle fin pour cette improvisation. Oui. Alors qu'elle lui lançait des trucs au visage. Oui, c'est ça. Ah, parce qu'elle pensait que c'était pas sérieux. Et voilà. C'est ça. Elle est tellement habituée de faire rire d'elle. Elle est sûrement qu'on a surnommé hier d'adoptable et de petit toutou. Mm-hmm. Mais c'est vrai. Venez le voir, c'est dans la lutte. Il est si adorable. Si mignon. Si adoptable. Voilà. Ça s'est poursuivi avec une improvisation, nouvelle catégorie, avec éclairage imposé. C'est intelligent ça quand même, parce qu'on n'a pas de contrôle sur grand chose à la chasse-galerie. Tu sais, la scène, les éclairages, mm-hmm. la musique, les joueurs. C'est ça. Le reste, c'est pas notre ressort. Le public dans la salle, on n'a pas le contrôle. Le bruit derrière le bar, on n'a pas le contrôle. Le Vincent Réville étant à sa deuxième année à la LIM, il est habitué de jouer avec les éclairages un peu plus. Ouais. Peut-être que ça l'a inspiré pour cette catégorie. Absolument. Donc, on a gardé simplement deux spots sur scène. Et on a commencé les deux joueurs, un dans chaque spot, pour faire deux gangs. Et c'est devenu une espèce de bataille de fusils contre bazooka. Oui. Un peu étrange. Ça s'est fini sur une empilade de morts. Mais bon, on a passé aux choses sérieuses voilà. Un peu plus tard, notamment avec l'impro littéraire. Oh, l'impro littéraire est une des plus marquantes. C'était la 40e, et je sais pas si ça a inspiré les joueurs à faire quelque chose de grandiose, mais notre ami Jean-François Veilleux, qui était là bien sûr pour lire son extrait, a lu un extrait spécifiquement sur quelque chose d'assez hardcore. Oui, c'est un extrait de « Des filles en soif » de Denise Boucher. Une excellente pièce de théâtre, d'ailleurs, je vous la conseille. Et effectivement, c'était une pièce, un extrait assez difficile à entendre. D'ailleurs, cette pièce-là a fait beaucoup de polémiques à l'époque. Ça a donné lieu à, selon moi, la meilleure improvisation de la soirée, qui a été performée par Alexandrine Pichessire du côté des Oranges et Jolianne Dufresne du côté des Bleus, où elles ont exposé leur situation respective de non-consentement de viol. Et c'était une improvisation particulière parce qu'on a imposé une improvisation qui devient de pire en pire, là, comment t'appelles ça? Une exagération. Mm-hmm. Donc on commence avec une minute et demie normale, ensuite moyen et ensuite vraiment très extrême. Et Jean-François Veilleux a spécifié, je voudrais pas une improvisation sur le viol, mais plutôt sur Scandale. Et là, évidemment, tu leur dis de pas faire des impros sur le viol, et ça a fait des improvisations sur le viol, mais très, très senties, très, très touchantes. Exactement. Et souvent, les improvisations, exagérations donnent lieu à vraiment n'importe quoi, puisqu'on va arriver pour parler plus fort plutôt que d'amplifier la situation. Il va y avoir des jetpacks qui vont sortir de partout. C'était pas ça. Ils ont simplement amplifié vraiment la situation. C'était vraiment très bien senti. Ouais. Et vraiment, c'était une merveilleuse improvisation. Parmi les meilleurs de l'année, je dois dire. Ah oui, certainement. D'ailleurs, Julianne Dufresne a connu un excellent match. Oui, comme toujours, en fait. Comme toujours. elle est partie avec une étoile, je crois, à chaque match. Ah oui, elle swing au bat sur un temps. Très efficace. C'est l'expression, ça, de baseball, non? Oh oui, elle swing. Okay. Parmi les autres improvisations marquantes, je te dirais le solstice du côté des oranges. Oui, le solstice qui nous a donné un nouveau prénom. Oui, d'un solstice. D'un enfant nommé Solstice. Interprété par Alexis Roy, encore oui. Une fois, qui, ma foi, a sorti un excellent match, qui est d'ailleurs reparti avec une étoile aussi. Oui, ben, tu commences fort, là. Il ne peut que descendre après, donc. Mais bon, c'est... Ça a redonné lieu à un paquet de pénalités tout au long de la soirée, donc, en premier lieu... Xavier McLeish a quitté la partie. Pour quelle raison est-ce qu'il a été les deux? Je me rappelle qu'il y en a eu une qui était comme une pénalité d'équipe pour les Bleus, mais il était seul. Donc, ça compte pour une personnelle. Exactement. Je me rappelle pas c'est sur quelle improvisation. C'est trop mal écrit. Hein, on mais salue Stéphane. Je sais qu'il est sorti, par exemple, sur une rudesse alors qu'il a... embrasser Alexandrine Puchessi. Ouais, ça c'était surtout après une improvisation sur le viol, de se lancer pour faire un baiser, même s'il a caché la bouche avec ses mains comme en théâtre on fait, cacher la bouche avec ses pouces ou je sais pas trop quoi. Reste que c'était comme... On dirait qu'il voulait absolument faire ça puis que ça fitait pas tant. C'était sur une improvisation tag team. Ouais. Donc les joueurs mettaient leurs mains et pouvaient embarquer lorsqu'on tapait. Il y a eu plusieurs baisers lors de cette improvisation, mais c'était clairement le moins consentant. Clairement, c'était. Je pense qu'il était excité. Oui, peut-être. Il faisait son gamin. Oui. Ouais. C'est un peu cabotin. C'est ça. Ça y apprendra. Hein? Ben c'est ça. Le cabotin a été expulsé en premier. Mais pas pour cabotinage. Pas pour cabotinage, pour rudesse. Mais Magali Brousseau-Arcan, la capitaine de l'équipe des Bleus. On n'a pas l'habitude de voir punie. C'est une bonne petite fille qui suit les règles. Exactement. Ouais. Ben, elle a été punie pour accessoire illégal, non pas parce qu'elle portait une barbe, mais parce qu'elle était sur Francis Dugré-Lampron. Parce que. Alors, on va expliquer Francis Dugré-Lampron, un joueur qui jouait pas, il était dans l'équipe des Rouges. Il est dans l'équipe des Rouges. Des Verts. Ça, j'ai dit. Il était assis sur le divan, ça, j'ai dit. Il était assis sur le divan avec, avec Marc Lachance à ses côtés de l'équipe des. Des Rouges. Ça, j'ai dit. Et lui, Marc Lachance portait une grosse perruque. Mais en tant que barbe, pour rendre hommage à Jonathan Picard qui quitte la lutte malheureusement après un règne d'un temps. C'est 2 ans et demi. Ça, j'ai dit. Donc, quelqu'un, j'imagine Francis, a pris la perruque qui servait de barbe à Marc et l'a mis sur la tête, c'est ça? De Magali. L'a utilisé comme barbe aussi. Je paraphrase. Hein? Oui. Juste un peu. Dans, quand je raconte des histoires, il y a au moins un fait qui est vrai, mais le reste, c'est pas mal d'abord. Bon. Et c'est ça qui a fait qu'elle a dû quitter la scène. Lors de la dernière... L'avant-dernière. Improvisation. Du match. C'est donc dire que Julianne Dufresne et Jonathan Picard ont terminé... ont fait la dernière improvisation à deux, c'est-à-dire toute l'équipe. C'était une très bonne improvisation. Le thème était le cactus. Oui, le cactus. Une espèce d'acupuncture étrange avec un personnage un peu fou interprété par Julianne Dufresne. J'ai appelé ça de la cactus-poncture. La cactus-poncture. Mais bon, excellent match. Oui. Terminé par le pointage de 11 à 6 pour les Bleus. Mm-hmm. Les étoiles sont donc allées à Jonathan Picard. Qui est parti. Il nous a fait un message à la fin qui nous a fait pleurer. Il a dit merci. Bye. Parce qu'il s'en va en stage ou en Abitibi. C'est loin, il pourra pas revenir lundi soir comme d'autres sur le stage. Non, un c'est petit ça. 8 heures de route, faire un match, tirer 8 heures pour retourner travailler le lendemain. Moins rentable. C'est ça. Donc, Jonathan Picard, Alexis Roy et Julianne Dufresne, étoile de l'arbitre. Wow, quel match! Et ça, c'est l'avant-dernier match. Il nous en reste un dernier le 11 décembre, lundi prochain. Donc les Verts qui seront opposés aux Oranges. Francis Dugué-Lampron va jouer ça, que ça veut dire qu'il est vert. Hein? Non! Parce qu'il laisse sa place à Maxime Landry. Ils savent ça à l'avance, c'est ça? Ben là, on le sait d'avance, puis je te le dis là, là. OK, merci, je sais. Je prends des choses live à la radio aujourd'hui. Et voilà. Merci, Frédéric Simon. Merci à toi. Merci. Ouh. Sinon, la vie. Ah, ça va. Ça va bien. Ça va. Ta Switch, est-ce que tu joues un peu à Switch? Oui. Ouais. Oui. Est-ce qu'on en reparle tantôt, Mathieu Plancheau? Exactement. Pour ta chronique d'un autre gamer à un autre. Et voilà. Les mercredis dans le Mathieu Plancheau. Voilà, fallait que je fasse la plug. Ben oui, c'était bien fait ça. Le droit, merci. Merci Fred. Bye. À la prochaine fois où tu auras remplacé Marc Lachance et ou Xavier McLeish et ou Gabriel Béhoud. Il est fin, il a dit je vais venir en dernier recours. C'est notre dernier recours. on écoute, mais il y a eu du fun, ça qui est le fun. Il est pas fâché. Mais non. Il est pas fâché parce qu'il y a eu du plaisir, comme dans On s'en va entendre Teen Anger avec Fun Forgot. Hein? Deux références. Fun Forgot. Ooh. Ooh. Mm-hmm. Maintenant, on n'oubliera pas d'acheter des choses. Hein. Mais non, il ne faudrait surtout pas c'est oublier. Soir de paye pour plusieurs. Exactement, de dépenser notre argent qu'on n'a pas. Donc voici, ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. ça ne devrait pas. Là, la chronique qu'on achète des choses sur Internet et qu'on regrette instantanément. Commençons avec quelque chose qui est festif. C'est le mois de décembre en ce moment et on a besoin de festivité pour se mettre dans l'ambiance. Donc, pourquoi ne pas charger votre téléphone cellulaire avec un cordon, un fil avec des lumières de Noël dessus? Oh. Ah, mais on parle de vraies lumières de Noël. On aime ça. C'est le Merry Charger, 10 lumières LED multicolores de Noël. C'est USB, c'est pour faire charger votre iPhone ou autre appareil. En fait, ça précise iPhone ici, mais j'imagine qu'il y a sûrement une version en USB-C. Probablement. Hein? Donc voilà, pas mal ça pour ça. Pas grand-chose à dire de plus que ça. C'est sur ThingGeek et sur Amazon.com si ça vous intéresse. Ensuite de ça, on continue avec le premier robot qui nettoie votre toilette. Oh boy! C'est déplaisant, laver la toilette. Ouais. Bon, je sais que c'est parmi tes tâches préférées, tu l'as déjà dit ici. Ou les moins pires. Ouais, les moins pires, je pense. C'est ça. Mais vous pouvez arrêter de faire comme la plèbe, là, et le petit monsieur, madame, tout le monde, et laver sa toilette de soi-même. Non, non, non, laissez faire ça par un robot nettoyant. Qui est fait pour donner à votre bol de toilette et votre siège un nettoyage complet en seulement 1 minute 30. Oh, rien de moins. Et là, on le voit en version transparente sur une toilette transparente. donc, allez voir ce que ça va donner sur une toilette de porcelaine. 300$, ça se paye quand même le luxe de laver votre toilette par soi-même, par elle-même. Oui. Hein? Tu sais, quand vous avez de la visite. Mm-hmm. Hein? Ça commence à être sale quand tu attends entre deux visites, des fois. Hein? Ensuite... Pour les étudiants, je pense que ce serait parfait. C'est du papier collant, un tape, qui donne l'impression que vous êtes éveillé alors que vous êtes en train de dormir en cours. Oh mon Dieu! Hein, que vous soyez au travail ou à l'école, peu importe, il vous faut le fake awake sleeping tape. Parfait pour les lundis matins. Personnellement, je pense que c'est mercredi aussi. Hein? Lundi matin, ça commence. Mercredi, la semaine est à peine finie, comme dirait la publicité d'IGA. Marché Extra Pocket qui est Extra Pocket. 10$ canadiens pour ça. Pour mettre par-dessus vos paupières. Mm-hmm. Et bien sûr, mettre votre main et donner une petite pause de je dors pas pantoute. Mais non, je vous écoute, monsieur le professeur. Oui, monsieur. Ensuite, on peut inventer presque n'importe quoi avec le Makey Makey. Le Makey Makey. Le Makey Makey, qui est de retour. En fait, c'est une nouvelle version améliorée d'un précédent Makey Makey. Et on dit que les possibilités sont sans fin, oui. On peut changer les bananes en xylophone. On peut changer ses dessins en un pavé tactile. On peut changer de la pâte à modeler en manette de jeu. On peut transformer des seaux d'eau en plateforme sur laquelle danser. On peut changer ses escaliers en piano géant. Comment? Hein? Avec des circuits. Ben voyons donc. Les circuits viennent se brancher à des choses et les choses que tu programmes dans Makey Makey vont devenir ce que tu veux. Oh boy! Il y a une petite vidéo de démonstration. Ben oui, c'est comme quelque chose. Les fils sont branchés à des bananes, par exemple, et les bananes réagissent au toucher par le fil et le fil dans l'ordinateur fait des sons de piano. C'est donc bien drôle. J'adore ça. Makey Makey. M-A-K-E-Y. Ensuite, soyez toujours prêt à partager des fichiers avec une clé USB, mais qui est biodégradable. Hein? C'est une carte de un carton, ouais. De la grandeur d'une carte d'affaires qui va dans ton portefeuille. Et c'est des clés USB qui sont insérées là-dedans. Donc vraiment, t'as le morceau de carton et tu peux arracher une des quatre pattes de la carte. OK. Et c'est une clé USB super plate qui rentre dans une prise USB. Hey, ça, c'est cool. C'est vraiment fort. Donc, ça s'appelle Gigs to Go. C'est un lecteur USB avec quatre petites clés en format carte de crédit qu'on peut mettre dans son portefeuille. On dit que c'est à l'épreuve des chocs et à l'épreuve de l'eau, là. Mais tu sais, pas tant que ça non plus, là. Mm-hmm. Ça vient dans un emballage biodégradable fait de papier recyclé et de plastique recyclé sur lequel on peut écrire. Donc, les cartons, on peut écrire dessus. Bon, tu sais, c'est pour telle personne. C'est parfait pour les photographes, les vendeurs ou des gens qui veulent partager des fichiers une fois de temps en temps, mais qui veulent pas que ce soit perdu après. Ouais. Ça peut se biodégrader. Donc, Geeks2Go offre des formats de 4, 8 et 16 gigs à partir de 25$ l'emballage. Ils offrent aussi des services pour précharger les clés de fichiers. Si vous voulez, donc Geeks2Go. Leur site web est Geeks2, comme le chiffre, gousb.com. Ensuite, Jim Beam a dévoilé son décanteur intelligent parodié, si on veut, pour le bourbon. On dit que le fabricant de bourbon Jim Beam a dévoilé donc son décanteur intelligent qui s'appelle Jim. Selon la vidéo promotionnelle, l'appareil est capable de vous servir un verre à la demande sur simple commande vocale. Hey boy! C'est un fût, finalement. Ouais, c'est ça. On précise pas quel assistant numérique Jim utilise, mais il semble capable de répondre aux questions qu'on lui pose. On pourrait croire à une blague, mais non, ça existe vraiment, même si c'est quand même, je dirais, une parodie des appareils intelligents. Ils l'ont quand même fabriqué. En édition limitée sur le site de Jim Beam à $35 US l'unité, jimbeam.com. Idée pour les amateurs geeks de bourbon. belle petite, petite bestiole. Là. C'est comme un cylindre avec le beau petit diamant de bouchon là, oui. qu'on connaît. Et il y a de la transparence sur les côtés pour voir le bourbon descendre et un petit fût en dessous. Évidemment, il faut servir ça dans un très petit verre. Ben oui, clairement. C'est du bourbon. Hein? Ensuite, la Food and Drug Administration aux États-Unis envoie un avertissement par rapport aux os à chien okay. achetés en magasin, apparemment. Donc, la U.S. Food and Drug Administration avertit les propriétaires d'animaux de compagnie que les irrésistibles os vendus en magasin peuvent faire du mal à votre chien. On dit donc qu'ils ont mis à jour leur site web pour avertir les parents d'animaux de compagnie de ne pas acheter d'os en magasin à donner à leurs animaux. L'organisation a reçu environ 70 cas de maladies reliées à ces os-là et plus d'une douzaine de morts. Et on ne parle pas de marque spécifique ou de type spécifique d'os, donc faites juste pas acheter d'os dans les magasins. Hmm. Quand même, hein? Une variété d'os disponibles, dont les ham bones et les os de jambon, de fémur de porc, de côte et des trucs comme ça étaient parmi les articles qui ont été rapportés à la FDA. Les produits peuvent être séchés via un processus le processus de fumée ou sinon par la cuisson et peuvent contenir plusieurs ingrédients comme des agents de conservation, des assaisonnements et de la saveur de fumée. Donc si vous donnez à votre chien des os comme ça, faites attention. Voilà. De leur en pas. Ouais, non, c'est ça. Faites juste pas leur en donner. Ensuite, on parle de boîte à lunch sans couvercle Twist and Seal. Ah, oh, on aime ça. Ouais, vraiment le fun. C'est le Neolid Box. Donc, si vous cherchez tout le temps votre couvercle de bol ou peu importe, vous aurez pu à y penser, en fait, parce que c'est des contenants isolés avec un design sans couvercle qu'on twist et qu'on scelle. Donc, c'est une membrane... comment dire, scellé, ouais. qui empêche l'air d'entrer et de sortir. C'est fait de silicone, ça empêche aussi de couler, même lorsque tu le mets à l'envers. Donc, tu le twists pour l'ouvrir et tu le retwists pour le refermer. Ça va garder votre nourriture au chaud ou... ça dit juste au chaud, pas au froid, apparemment. Au chaud pendant 4 heures et au froid pendant 6 heures. Vous pouvez voir une petite vidéo de démonstration sur assemblagerequis.com. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer le concept? C'est qu'on on enlève l'élastique. L'élastique tient le tout fermé. C'est une belle petite boîte noire avec un couvercle fluo. Et tu retires l'intérieur et tu tournes le couvercle quelques fois. Et soudainement, quand tu baisses le tout, la membrane visco-élastique révèle le contenu. Donc, mm-hmm. c'est comme tordu, si on veut. Okay. Comme quand tu fermes un sac ouais, en le tordant. Ça. Sauf que ça le barre et ça le débarre quand tu twists. C'est vraiment très bien fait. Est un choix de couleur aussi, si tu veux. Donc, Neolid, c'est le nom. Neolid Box. Ensuite, des fois, tu manques de sujet de conversation. Ça peut arriver, bon, tout le monde, des fois, je sais pas, en pause ou en mangeant, des fois, peuvent manquer de sujet de conversation. Tu finis par tomber dans l'une ou à parler d'affaires plates, genre de job. Et il te faut des petits cartons démarreurs de conversation. Parfait pour les parties aussi pendant les fêtes, pour socialiser sans avoir besoin d'alcool, parce que des fois ouais. l'alcool vient nous lousser un petit peu la parole. Dans ce cas-ci, c'est les cartons qui vont faire ça. C'est 135 questions et sujets, et ça exclut complètement les aspects politiques. Aucun aspect politique pour pas créer de controverse. J'imagine qu'il n'y a pas d'aspect religieux non plus. C'est fait pour que tout le monde puisse placoter. Par exemple, quel genre d'entreprise aimerais-tu démarrer? Ah, c'est le fun ça! Ou quel est le plus bel endroit que tu as visité? Mmh. Des trucs comme ça. Donc, il y en a 135. Évidemment, vous pouvez faire les vôtres. Celles-là sont en anglais, mais quand même, c'est assez générique pour être assez facile à traduire. Oui. 37$ canadiens pour ce jeu. Ensuite, une robe de chambre faite pour les gars. Là, tu vas me dire, mais attends un peu, il y a déjà des robes de chambre pour gars. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, celle-là? Je ne pourrais te dire. C'est la Dude Robe. Hein? C'est un hoodie à l'extérieur et une serviette à l'intérieur. Dude okay. Robe. Donc, tu as des poches profondes. Ouais. Ça, c'est le top model. T'as aussi des poches profondes, c'est ça? Je regarde l'image, oui. puis je me dis, il n'y a rien là-dedans qui est non considéré pour une femme non plus. Je suis à 114% d'accord avec toi. Fait que la dude robe, là. Ah, je sais, mais t'as vu... C'est que ça doit être un gars qui a parti la compagnie. C'est ça, mais t'as vu aussi les dude wipes, les serviettes pour s'essuyer le... Mais qui sont pour la face, je pense. Techniquement, c'est pour la face. Ah, OK. Mais... Pourquoi? Il y a pas de... C'est quoi, là? C'est le parfum qui est masculin là-dedans? Peut-être. Mais en même temps, on s'en fout. Si t'as envie de ce parfum-là, t'as le droit, peu importe ton genre. Ouais, c'est ça. En tout cas, bref, on est du même avis là-dessus. Là. Mm-hmm. On met notre équipe là-dessus aussi. Jimmy Thibodeau est d'accord avec ouais, nous. Exactement. Tout le monde est d'accord avec nous. Tout le monde. Bref. Monde. T'as une ceinture plus masculine. On dit double tact more manly belt. Elle a absolument rien de masculine. S'il y a de quoi, elle est même moins masculine que d'habitude. T'as des matériaux premium. On dit que le hoodie est à la mode. On dit que le hoodie est aussi une serviette. Donc, pour te sécher les cheveux. T'as la robe de chambre au complet et de la serviette pour être super absorbante. T'as une corde avec un logo dessus. Je sais pas pourquoi on précise qu'il y a un logo dessus. Mm-hmm. La corde pour attacher le hoodie, le capuchon. T'as 16 avec une apostrophe. En anglais, ça veut dire 2016. Comme dans genre, c'est la date de naissance des Dude Robes. C'est okay. Vraiment important de savoir que c'est established en 2016. Ben oui. Et t'as une poche additionnelle à l'intérieur de la robe de chambre. Fait que, littéralement, trouvez-moi ce qu'il y a de masculin là-dedans et téléphonez-nous. Dude Robe. Mais écrivez-nous sur Incroyable. Facebook. Incroyable. Ensuite, passons à... tantôt, on a parlé d'un fil pour iPhone avec des lumières de Noël. Et là, tu te disais, ouais, mais est-ce que je peux mettre mon fil d'iPhone dans mon cou? Mm-hmm. Oui. Ben oui, pourquoi tu pas? Tu pourrais, mais tu pourrais aussi t'acheter un collier qui est fait spécifiquement pour être porté dans le cou. Oh! Ouais. Pour avoir l'esprit de Noël, hein? C'est donc opéré par pile. Ça vient avec 13 ampoules de Noël. On dit C7, donc des vraies ampoules. Pas des lumières LED, là, c'est des C7 comme des vraies ampoules. Ouais. Qui vont évidemment faire parler tout le monde à un party de Noël. Pour 11$ canadien. Rien de moins. Ensuite, on se rappelle du Light Bright quand on était jeune. Mon Dieu, c'était le fun, le Light Bright! Les feuilles noires que tu venais percer de petites lumières, tout ça, c'était vraiment cool. Hey, j'ai perdu le mien. Oh non! OK. Et je suis tellement triste. Comment tu peux perdre ça? C'est éclairé de lumière fluo? Ben, écoute, je sais pas. Tes parents l'ont vendu, l'ont donné. Probablement une vente de garage, quelque chose. Ça a été aussi mon premier faux ordinateur. Ah! Oui, t'allais sur MS-DOS sur ton Light Bright. C'est ça, exactement. Donc, tu peux revivre ton enfance parce que tu sais que t'as grandi, pas beaucoup, mais quand même un petit peu depuis cet âge-là. Le Light Bright aurait l'air tout petit dans tes mains d'humaine de 20... Tu penses? Je pense. Donc, je me pose la question. Pour avoir l'impression d'être un enfant, il faudrait un gigantesque Light Bright. Hey, c'est gros quand même, un Light Bright. Là, mais c'est pas assez gros. C'était quasiment la grosseur d'un écran d'ordinateur. Ouais, c'était pas assez gros. OK. Tu veux plus gros encore? Ah, je veux plus gros encore, Mathieu. Enfin, il te faut le Giant Light Bright. Pour pouvoir jouer sur un grand, gros Light Bright. Mais combien? Ah, mais seulement 22 236 $, voyons. Oh my God! C'est énorme. C'est une œuvre d'art. C'est n'importe quoi, mais je suis certaine aujourd'hui que les Light Bright valent plus cher qu'ils valaient cher dans le temps. Répète-moi dans ça, moi. Les Light Bright du passé valent plus cher maintenant qu'ils valaient l'an passé. Exactement. Est-ce que tu penses que tu peux encore acheter des Light Bright neufs? Je sais pas si chez Toys R Us, il y aurait encore genre des Light Bright. Je me rappelle pas d'avoir vu ça, non. Hey, tu vois, c'est triste. Ça t'amenait la dextérité. Fallait que tu comprennes ce qui se passe. Tu sais, on voit encore des Etch a Sketch. Et ça aussi, ça développait les doigts. Là, je veux un Light Bright. Maintenant. Hein. Trouvez-moi un Light Bright, quelqu'un, pour Noël. Trouve-moi 22 236 $ et 14 cents pour le Lightzilla. C'est même pas une blague, là. Je veux un Light Bright. Juste pour pouvoir le donner à mes enfants si un jour j'ai des enfants. Est-ce que tu faisais des dessins aussi réussis que ceux des petits-enfants sur ces photos? Ok, ouais, j'étais forte. Parce que ça vient avec des grosses, des gros pegs, là, des petits boutons, là, genre que tu viens mettre dans l'écran. Il y en avait tout le temps un qui tombait, là, ça faisait en sorte que ton affaire fonctionnait plus, mais c'est pas grave, c'était fun. Ouais. On veut des Light Bright, s'il vous plaît. Tellement! Ah! Ah! Bon! Continuons avec, un étui pour iPhone. On a déjà parlé de l'étui pour iPhone qui était la fusion d'un fidget spinner. Ouais. Tu te rappelles, il y avait un fidget derrière. Ici, c'est pas exactement la même chose. En fait, c'est que ton étui en tant que tel devient lui-même un fidget spinner. Oh mon Dieu. OK. Donc, ça s'appelle le Ludicase pour iPhone 6, 7, 8 ou 10. La campagne se termine bientôt. C'est sur Indiegogo. Donc, c'est un petit un bouton au milieu du téléphone et tu peux faire virer ton téléphone de tous les bords. Je sais pas si ça passe bien entre les... Je sais pas. Faut que tu le tiennes... Faut que tu le tiennes, là. Comment tu veux faire tenir ça? Sur ton doigt? Parce qu'il est trop gros, ton iPhone, pour ça. Mais bon. Je suis pas sûr, là. Je suis pas certaine. Moi, je pense pas, anyway, que j'ai les mains assez grosses pour pouvoir faire quoi que ce soit avec un fidget spinner. Je pense pas non plus. Ensuite, allons-y avec un os pour chien. On a parlé tantôt de ne pas acheter d'os dans les magasins parce que c'était pas bon pour votre chien. La FDA aux États-Unis a rappelé ces os-là, ces os-là. Donc, on a ici un jouet qui ressemble à un os, mais qui est contrôlé par application. C'est un jouet intelligent. Okay. Pour garder votre chien bien actif et diverti pendant la journée en jouant avec lui. C'est contrôlé à distance de votre téléphone et ça peut être programmé pour bouger tout seul. Aussi, s'assurant que votre chien ait assez d'exercice. Donc, ce qu'on peut déduire par l'application qu'on voit sur la photo, c'est qu'on peut faire tourner un bord et l'autre. Dans le fond, chaque côté de l'os, imaginez-vous un os. Oui. Avec deux côtés et un milieu. Oui. Et les deux côtés peuvent être contrôlés indépendamment pour avancer ou reculer. On aime ça. Tu peux faire arrêter, virer de bord, donc un paquet de trucs comme ça. Évidemment, tout ça, hein, ça se paye aussi. Des heures et des heures de plaisir. Oui, donc si tu as plusieurs heures, ça va te coûter cher de l'heure. À 300 $ canadiens pour ce jouet-là. 300 $. Ouais. Il y a des jouets pour humains qui coûtent beaucoup moins cher et que votre chien pourrait utiliser aussi. Mm-hmm. Très bon. Ensuite, on parle de bracelets maintenant. Des fois, tu te dis, mais Colin, où ai-je mis mon fil Lightning pour mon iPhone? Ben, clairement. Ben, je vais pouvoir te répondre, ben, tu l'as sur ta main, sur ton poignet, parce que c'est un bracelet avec fil Lightning, mais pas ça, ça existait déjà. Là. Ouais. Là, ici, on parle d'un beau bracelet, dans le sens d'un bracelet qui est supposément à la mode. Moi, je le trouve pas très beau, mais bon, quand même. On dirait, je sais pas, on dirait du treillis, on dirait du rotin. Ouais, c'est beau. Je trippe pas le rotin, mais... Moi, je trouve ça cute, là. Avec des petits embouts genre dorés, on dirait un rouge à lèvres doré. Bref, c'est vrai, vous n'allez jamais plus avoir de iPhone mort et vous n'allez plus jamais ne pas avoir de fil de recharge pour votre téléphone avec le Toro Bracelet. Disponible en plusieurs grandeurs pour la plupart des poignets. 7,5 pouces de long. Il y en a un médium aussi à 8,6 et un large à 9,25 pouces de long. Ça vient en style soit large, flat ou deux morceaux de rotin indépendants, de petits bracelets de rotin. Ça, c'est la photo qu'on a sur assemblagerequis.com. C'est fait de faux cuir. En noir, en blanc ou en brun. Tantôt, j'ai parlé de doré. C'est même pas doré, c'est de l'or. C'est plaqué or 18 carats. Soit en blanc, en rose ou en jaune. Doré. USB 2.0 d'un côté, prise Lightning de l'autre côté. C'est certifié Apple MFI. Et donc, ça va optimiser le chargement, le transfert de données. Il coûte seulement 50 $ US, les bracelets Toro. Et on vend aussi un battery pack, une pile portative à 2500 mAh pour votre téléphone aussi. Donc c'est par Toro, T-O-R-R-O, sur torobracelets.com. Ensuite, le faux téléphone pour votre dépendance au smartphone. Tantôt, on a parlé d'un étui pour iPhone qui se transformait en fidget spinner. Mm-hmm. Ici, on a Clemens Schillinger qui a imaginé un faux smartphone pour combattre la dépendance au téléphone qui se répand de plus en plus dans le monde. Ça rend totalement dépendant, tu sais... toi-même, oui. L'ayant pas eu pendant 4 jours. Ben vendredi, écoute, samedi, dimanche, dépendant, je dois avouer que je me suis très bien débrouillée sans téléphone. Mais c'était rongé les ongles, fait que t'as plus d'ongles. Ben, pas tant. Non? Oui, c'est inadéquat quand t'es en déplacement puis tu veux rejoindre quelqu'un absolument. Et là, par déplacement, je parle pas automatiquement dans la voiture au volant. Je parle en déplacement, mettons, sans ordinateur ou sans possibilité pas de pouvoir... Pas de GPS. Exactement. De ce côté-là, ça a été un petit peu plus difficile. Mais sinon... T'es fière de toi? Je suis très fière de moi. J'ai comme eu une cure de 4 jours sans téléphone. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mardi, ouais, 5 jours. Ouais, je l'aurais probablement pas fait pendant un mois. Non, hein? Mais 5 jours, t'es bien normal. Est-ce qu'il y a un mois pour ça, le no cell... Je sais pas. Je te dirais que le plus difficile, ça a été de pas pouvoir utiliser mon portefeuille parce que le portefeuille était avec le téléphone cellulaire. Ça, j'ai trouvé ça beaucoup plus difficile que de pas avoir mon téléphone. C'est vrai. De nos jours, j'avançais le point que c'est moins difficile si tu perds seulement ton portefeuille parce que ton téléphone contient souvent tes cartes de crédit et de débit. T'sais? Alors que de l'autre côté, pas si moi. Tu perds ton sel, en tout cas, pas toi. Ouais, non, c'est ça. T'acceptes pas d'acheter des affaires en ligne. T'sais. Non, c'est ça. T'es un petit peu... t'as quel âge? 45 ans, je pense. 55 ans. Hey! Donc, les smartphones rendent totalement dépendants. Hein? Ouais. On utilise ça 2,3 heures par jour en moyenne, mm-hmm. avec un pic de 3,2 heures par jour en moyenne chez les 18-24 ans. Comme toute dépendance, elle a un aspect psychologique, mais également un aspect physique. C'est difficile de se passer des gestes qu'on fait quasiment inconsciemment lorsqu'on utilise une application. Et bien, voici justement le substitute phone. Un faux smartphone pour reproduire le mouvement des doigts. Oh mon Dieu! Un peu comme la cigarette électronique qui vous fait toucher à quelque chose et l'avoir dans votre bouche. Bon, le substitute phone veut vous faire arrêter d'utiliser le smartphone tout en vous permettant de garder l'habitude de glisser à gauche, glisser à droite, monter, descendre. C'est l'idée du designer Clemens Schillinger, donc de créer un faux smartphone. Ça présente aucune caractéristique du smartphone, donc pas d'écran, pas de bouton, pas de composants électroniques. Seule la forme rectangulaire permet de reconnaître qu'on a devant soi quelque chose qui est censé être un smartphone. Il se présente comme un bloc noir rectangulaire dans lequel sont insérées une série de boules grises, pareil comme dans un boulier. 5 versions ont été imaginées. deux avec des boules horizontales, une avec des boules à la verticale, deux avec des boules en diagonale pour reproduire chacun des mouvements. Donc quand tu veux changer de mouvement, faut que tu changes de téléphone. Selon Schillinger, il est possible de faire les gestes habituels et d'utiliser ce substitute phone comme un véritable remplacement de smartphone. Donc, comme toute œuvre d'art, elle vise à faire réfléchir, mais ne sera pas nécessairement commercialisée. Malheureusement. Justement, si vous êtes fan d'Apple, hein, une figurine articulée de Steve Jobs. Oh boy! Enfin! C'est la marque... Enfin! Ouais. C'est la marque Damn Toys qui vient de dévoiler une figurine de Steve Jobs, aussi appelée Stéphane Emploi. Stéphane Emploi! Co-fondateur d'Apple, proposé avec une dizaine d'accessoires, un objet de collection réaliste qui va rater l'occasion d'être sous le sapin parce que ça va sortir après Noël. C'est une Barbie, dans le fond. C'est une Barbie, oui. Une Barbie Steve. Une Barbie Steve. Ouais, je sais pas comment l'appeler, bref. Steve Doll, c'est beau ça. Donc la marque Damn Toys, spécialisée dans les figurines articulées d'une trentaine de centimètres, vient de révéler un modèle dédié au cofondateur d'Apple. Ça se base sur le Steve Jobs de 2008, hein. Proposé avec une dizaine d'accessoires, dont un Macintosh de 1984. Il n'y a pas d'iPhone, mais il y a un iPad. Mm-hmm. Et il y a le tout nécessaire pour recréer une scène de keynote. En lisant leur post d'annonce sur Facebook, on comprend que cette figurine de collection n'a pas été approuvée par Apple, sans aucun de ses proches. Ça s'appelle Hommage Artwork of Steve Jobs. Moi, je l'aurais appelé quelque chose de plus générique. Ouais. Genre Computer Maker. C'est vrai? Je sais pas, parce que ça ressemble à Steve Jobs, ils vont se faire poursuivre, clairement. Un peu moins de $200 US pour ça. PlayJet la propose jusqu'au 14 décembre. Ça sera pas livré avant Noël, comme j'ai dit tantôt. C'est pas la première fois qu'il a sa figurine, monsieur Stéphane Emploi. En 2011, il y avait un modèle similaire qui avait été mis en vente par la marque DidCorp, mais c'était moins réaliste. Là, ce l'est vraiment. T'as même différentes mains pour pouvoir changer sa posture de main. T'as une pomme avec une croquée et une morsure dedans. T'as des disquettes. T'as une petite table, un divan. C'est malade. $200 US, vendu. Ensuite, Jelly Bean. On aime beaucoup Jelly Bean. Oui. Et là, tu te couches le soir. Bon, Colin, j'aimerais pouvoir manger des Jelly Beans en dormant. Ouais. Ben, tu peux pas, mais tu peux quand même dormir en sentant des Jelly Beans. Oh. Tu t'es sac dans le nez. Non. Ah ouais, c'est ça. Non, t'as un oreiller à odeur, à parfum de Jelly Bean. OK. Jelly Bean Bean Scented Pillow. Tu peux l'acheter en format, pas en format, en parfum tangerine, cerise ou melon d'eau. C'est sur Amazon. Ils sont aussi vendus chez Costco aux États-Unis. Donc, je ne sais pas si on va avoir ça au Canada dans les Costco un jour. Ça vient en emballage de deux. Et tu peux choisir donc les deux saveurs. Ben, dépendamment du paquet. World Famous Flavors in a Fun Scented Pillow. Donc, il y a des saveurs célèbres partout dans le monde dans un oreiller amusant qui sent bon. $30 US pour l'emballage de deux oreilles. Ouais. Mais là, c'est juste que ça te donne faim automatique. Là. C'est sûr. Je sais pas l'odeur dure combien d'années. Je suis pas certaine si c'est une bonne idée. Non, sûrement pas. Et on termine ce bloc avec un porte-clé pour les germophobes. Je me rappelle, c'était la semaine passée ou il y a deux semaines, j'avais parlé d'un petit... C'était un genre de tige que tu mettais sur ton porte-clé. Et la tige te permettait d'appuyer sur des boutons de guichet, entre autres. Oui, je me souviens de ça. Ouais. Tirer sur des choses. C'était juste un petit bâton avec un caoutchouc au bout. J'en ai trouvé un autre différent, similaire, mais pour d'autres utilités, comme ouvrir des poignées de portes. Tu sais, les portes de bâtisse, souvent, c'est vraiment sale. Des portes de salle de bain dans les endroits qui n'ont pas encore changé ça. Et quand t'es germophobe, ça peut être difficile d'aller te laver les mains et après ça, devoir toucher à cette poignée-là. Tu n'as pas ta veste pour prendre ta manche ou peu importe. Donc, c'est un petit morceau de caoutchouc, je dirais, de silicone qui s'attache aussi à votre porte-clé. Il y a un trou dedans. Mm-hmm. Un petit trou pour l'attacher. Et c'est comme un genre de cylindre dans lequel tu peux mettre tes doigts. Donc, c'est comme un carré, mais qui a été roulé sur lui-même. Tu sais, un cylindre. Tu mets tes doigts dedans, tu peux tirer sur quelque chose. Donc, ça va t'aider pour plein de situations. Ça peut être les barreaux d'autobus. Ça peut être, je sais pas, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre. N'importe quoi, vraiment. Ben, peut-être, si t'ambitionnes vraiment, si ça te dérange pas de faire rire de toi, tu pourrais l'utiliser pour tenir ton panier à l'épicerie. J'avoue. C'est bon. Bref, ça coûte des petites bines. Ça coûte des Jelly Beans. $4 canadiens. C'est sur gripkeychain.com. Grip écrit avec un Y, donc G-R-Y-P keychain.com. Voilà pour le premier bloc d'une vingtaine d'articles. On va s'en faire un autre, mais plus petit bloc dans quelques instants. Avant ça, on prend une pause de ta sondage Rocky jusqu'à 10h. C'est fou! 89. Ouh, dernier segment de l'émission matinale Assemblage requis, accompagné de Tania Baudin. C'est rempli d'émotions, Mathieu Plante. Exactement. Aussi, tantôt, je vous ai promis une deuxième partie de Ça existe, mais ça ne devrait pas. Là, Tania a eu une meilleure idée que ça. Ah, c'est comme ça que ça marche. Elle trouvait ça long. Mais non, mais je me suis dit... T'as raison, faut en profiter. Ben oui, c'est ça. On a du temps aujourd'hui. Habituellement, le mercredi, on n'a pas de temps du tout. Ouais, on sait pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Ouais, ben on sait pas mal ce qui s'est passé finalement. Deux absences et une chronique courte. Salutations à Alex! Salutations à Marc Lachance aussi. Oui, oui, aussi. Bref, on va faire un blog des palmarès c'est fou dans quelques instants, mais avant ça, on a le temps pour entendre Daniel Romano. Voici Roya sur C'est fou. Search the holy vessel for your chamber. How I opened up to any given stranger, just to find you standing in some astral plane where there are no shadows. Royal, I am only but the memory of my body. I was searching all directions when you caught me, laying breathless as I tried to scream your name anywhere the wind would blow. Royal, my guardian of my soul, the empty days of old, I think they're blossoming inside you till it lay right on your tongue to never tell no one, but you told me I can hear it singing now. Royal, my guardian of the soul. C'était Daniel Romano avec Roya à Assemblage requis. Donc, je disais tout à l'heure que t'avais eu une excellente idée, Tania. Oui. Ça finit ben jamais, oui. La petite idée. Comme ça. Derrière. Ah, voilà. C'est le bloc des palmarès, c'est fou. Donc le moment d'aller rendre visite à nos petits palmarès, c'est fou. Et aujourd'hui, on va écouter nos anciens numéros 1. Une fois de temps en temps, on change la technique. On a fait du C'était fou, on a fait du palmarès in peace cette fois-ci. Donc on recule à la semaine passée pour aller entendre les numéros 1 de la semaine, donc du 27 novembre au 3 décembre 2017. Plus tard dans le bloc, il y aura du Busty and the Bass avec Up Top sur l'album Uncommon Good. Et en première place francophone, le temps de savoir d'ici la prochaine chronique si ça tient, si ça a tenu ouais, ou ça met. C'est ça. Parce qu'on n'a pas encore révélé. Tout de suite, en francophone, c'est Gasoline avec Yougen dans le bloc des numéros 1. Première position. que le ciel ne nous tombe pas sur la tête. Loin de nous, Yugen, qu'est-ce que tu vois? Que les barres ne me manquent plus jamais. Loin de nous, Yugen, est-ce qu'on y croit? Est-ce que croit notre amour? Yugen, Yugen, ça se promène dans mes veines. Yugen, j'ai peur que les mots aient tué la beauté des peurs. Yugen, Yugen, Yugen, ça se promène dans mes veines. Yugen, j'ai peur que les mots aient tué la beauté des poèmes. Yugen. Up top, reaching, up top, reaching, and up. my everydays trying to say, hey, can I take a leap with you? Take a leap with you now. When it's rocky, I'll make it smooth. I'll make it smooth. Yeah, if there's room for two, take a leap with you now. Whoa, honey, I wanna know, can we get any higher? Semaine dernière dans les pas mal assez fous, donc la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2017. On a commencé avec Gasoline avec Yugen sur la même Yugen. Et on vient d'entendre Busty and the Bass avec Up Top sur la même Uncommon Good. Mm-hmm. À la prochaine fois qu'on se rencontrera pour le bloc des palmarès assez fous, on fera les numéros 1 de cette semaine. Exactement. Du 4 au 10 décembre. Tout à fait. Alors, on note la suite dans les idées, ça n'a aucun sens. C'est effrayant. Maintenant, c'est le moment de jaser, Tania, un petit peu, cette fin d'émission. Jaser ben de oui. choses un petit peu tristes. Ben, triste ou pas triste, ça dépend. Ça dépend de la nouvelle que tu vas faire en premier. Ça, que ça veut ouais, dire. Ouais, c'est ça. Bon, pas triste. C'est OK. Ça? Non, mais j'ai allé avec la triste parce qu'on ouais, a parlé. Je plus de ça. Ouais, OK. On a parlé tout à l'heure du fait que c'était les 100 ans de l'explosion d'Halifax. Il ouais. faut aussi mentionner qu'aujourd'hui, c'est fête commémorative pour Polytechnique. Donc, le 6 décembre, je me souviens plus de la date. Il y a 20 ans, t'as dit? Il y a 28 ans, jour pour jour, si je me souviens bien. Donc, je pense que ça a un petit peu marqué l'histoire du Québec. On se rappelle que ça avait été fait tout simplement contre les femmes. C'est un acte de violence totalement gratuite qui avait été fait. Mais, 89, en passant. 89, exactement. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui vont se passer du côté de Montréal, encore une fois, pour cette fête commémorative. Oui, tout à fait. Mais de l'autre côté, oui. celui plus positif. Celui un petit peu plus positif, allons-y comme ça. Eh bien, aujourd'hui, c'est jour de dévoilement de sondage pour plusieurs stations de radio, oui. disons-le. Ils sont tous numéro un de quelque chose. Hein? Oui, alors je me suis permis de faire un petit clin d'œil à la journée des sondages sur mon compte Facebook, donc Tania Baudin TV, si jamais ça vous intéresse. Sinon, Mathieu l'a aussi partagé. Ben oui. Alors, je vais vous le lire tout simplement parce que c'est avec, il faut le dire, avec une petite note humoristique à un certain moment, mais aussi très intéressant. Donc, ce matin, on n'a aucun sondage à vous dévoiler de notre côté. Côté. On est probablement la meilleure radio campus en Mauricie, probablement la seule aussi. On n'a aucun sondage à vous dévoiler, mais on a de la passion à vous partager. Les radios communautaires sont en place pour vous parler de votre chez-vous, en fait, vous diversifier, vous faire découvrir des artistes émergents et vous faire voir autre chose que ce que l'on voit partout. Les radios communautaires, c'est aussi les stations les moins rémunérées. Pourtant, c'est grâce à votre support qu'on peut arriver à survivre. C'est grâce aux bouches à oreilles qu'on apprend qui nous écoute. Nos animateurs font un travail incroyable par pure passion parce que la reconnaissance des auditeurs sont leur seule paye. Aujourd'hui, jour d'annonce de sondage, eh bien, je vous invite à syntoniser une station de radio communautaire, faire fructifier leur nombre d'auditeurs, de vous abonner à une page Facebook d'une station communautaire et de faire valoir la place de ces radios dans notre communauté d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous dis merci quand même, car grâce à la radio communautaire, j'ai découvert des choses incroyables, des animateurs passionnés par le travail derrière des émissions qui sont très diversifiées. Les temps sont durs dans les médias. Je pense que tout le monde est pas mal au courant. Les chiffres nous déterminent. Si on n'a pas de chiffres, on peut seulement pas arrêter de vous offrir le meilleur de ce qu'on a. Sur ce, bonne journée des sondages à tous mes collègues du domaine. Vous êtes tous des numéros un malgré tout. Et Mathieu Plante et moi, eh bien, on vous remercie de votre écoute chaque matin si vous êtes de ceux qui nous le dites. Ben oui, moi, je te remercie aussi, Tania, bien sûr. Merci, Mathieu. Je remercie tous les gens qui participent à l'émission. Ils sont très nombreux, surtout cette année. On a vraiment très, très bonne cuvée de chroniqueurs et ils sont tous excellents. On les remercie vraiment beaucoup. Hey, vous êtes notre motivation. C'est la motivation. Exactement. La motivation dans la vie, en ce moment. Pas de sondage, mais c'est ça. De la passion. Exactement. On est là pour avoir du plaisir tous les matins, du lundi au vendredi, entre 7h et 10h avec vous et avec eux. Donc, merci d'être là. Merci. Ça va être la fin de l'émission pour aujourd'hui. Sur cette belle petite note positive. Oui. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à nos chroniqueurs d'aujourd'hui. Là, on va nommer seulement ceux d'aujourd'hui. Hein. Donc, merci à pas Alex Marchand. Non. Merci, par contre, à Sébastien F. Guertin. David Ferron. Et Frédéric Simon. Exactement. Voilà. Et pas Marc Lachance. Non. Il nous manquait une couple de joueurs dans l'équipe aujourd'hui, mais c'est pas grave. On les remercie, on les apprécie quand même. Ils vont sûrement être de retour la semaine prochaine, si on se fie au passé. Hein? demain, justement, à l'émission, on va être jeudi, donc on aura Véronique Mire et sa collègue de la Véronique-Lopédie à 7h30. À 9h, Stéphanie Paradis va être là pour nous parler de télé avec sa patate de sofa. À 9h30, on va manger quelque chose ou goûter quelque chose dans une grosse pointe à l'adresse. C'est demain entre 7h et 10h. Sur nos ondes aujourd'hui, à cette susmentionnée Radio Campus Communautaire, on aura Compte à rebours dans quelques instants qui s'en vient avec Antoine Lamoureux. Manquez pas l'émission de Xavier Méclich, VHS à 13h. Moi, je vais de retour pour le Mathieu Plante Show à 15h. À 17h, Audiomatique, 18h, écoutedonc.ca. Et on se retrouve, comme je disais, demain, 7h. Bonne journée. Bon café, tout le monde. Bye. Bye. Bye.